écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. C'est le moment d'apprendre les choses, de s'abreuver et de faire vite. C'est comment j'aime ça. Apprendre. C'est une des raisons pourquoi je me lève le lundi. Oui. Ça, c'est un fait. C'est que tu pars de loin aussi en termes de connaissances. C'est une petite intro, oui. Moi j'ai cassé ça. Ben non, c'est correct. Voici si c'est un fait. On est de même, toi. Ouais. On spin. On spin. Dans le coin du studio. On spin la musique. Oh! Rickery! On a tellement de complicité, on est comme Burp et Ernie. Bon, donc, commençons, c'est un fait. Oui, Burp et Ernie avec les chandails rayés puis la moustache. Puis, pas la moustache, mais... Est-ce que t'as vu l'application de la fin de semaine, Mathieu? Non. Je m'excuse, je commence, je gâche tout aujourd'hui. Ben, je vois ça, c'est pas grave, je fais la même chose, vas-y. Flapping Bird? Oh, comment? Hey, ça a été retiré de l'App Store oui. À minuit, hein, t'as-tu vu? Le gars, il était plus capable de gérer ça. C'est trop pour lui, ça a changé sa vie. C'est le jeu où tu contrôles un oiseau. Oui. Et tu dois passer entre les tuyaux de Mario. En faisant des petites tap-tap. Des tapoches. Des tapoches. Tapochettes. Sur ton écran. Ouais. Tactile. Mais c'est comme absolument impossible. T'es game over à chaque affaire que tu fais. Ah, c'est dur. Tu as-tu essayé un peu? Non, je l'ai téléchargé parce que j'ai vu qu'il allait être retiré à minuit. S'il avait retiré, je l'aurais jamais, tu sais. Ouais. Sans dire, je l'aurais jamais pris. Finalement, c'est un coup de marketing. Exactement. Voilà. Exactement. Édition limitée. À quel niveau c'était rendu? Il y a des niveaux. Le titre, l'écran titre. Oui, c'est ça. J'ai passé le cap, je pense, du 17 tuyaux. Ah, quand même, pas si pire, hein? Ben, moi, j'étais vraiment impressionné jusqu'à temps que mon ami me dise « Je viens de faire 52 ». Hey, yo, j'étais sûr que c'était impossible. Wow. Ah. Ouais, mais bon. Il y a toujours un geek plus geek que toi. C'est un fait. Et c'est un fait. Ah. Donc, commençons entre 21h et minuit. Les comptes Netflix comptent pour 33% de la bande passante aux États-Unis. OK. 33% entre 21h et minuit. C'est le prime time de regarder la TV sur Internet. Ouais, vraiment. Ça fait du sens, c'est après souper, tu vas avant de t'aller te coucher. C'est ça, avant de prendre ta douche pour faire tes affaires. Non, Demi Moore. Parce que l'actrice Demi Moore, elle a engagé 3 caméramans pour enregistrer la naissance de son premier enfant. Ah, oui. Steven Spielberg. C'est ça. James Cameron. Oui. Puis l'autre, ça pourrait être... Martin Scorsese. Oui. Mais ça, c'est... pas des caméramans. C'est pas des caméramans, c'est plus des réalisateurs. Mais tu sais, on comprend ce qu'on voulait dire. C'est là. Ça, c'est une gag, là. Ouais, c'est ça. Riez donc, là. Environ le tiers des Américains, et là ça va vraiment être étrange parce que moi je le crois pas, environ le tiers des Américains flushent la toilette alors qu'ils sont toujours assis dessus. Et sont pas à l'UQTR où les toilettes flushent tout seuls dans tes oui. fesses comme ici. Oui. Ils flushent volontairement avec le bouton. Ben. Comme ils se prennent des Français, je pense. Hein, toujours assis. La ben, technique bidet. Ouais, ça se peut. Ouais. Bon. Ou bien c'est vraiment parce qu'ils ont beaucoup de gras partout autour puis ça croche oui. dans la flush avec le gras du dos. Tout le temps. C'est pas du bidet, c'est du bide. Dans 2 portions normales régulières de yogourt, il y a autant de bactéries vivantes qu'il y a de gens sur Terre. Ça, c'est intéressant, j'aime ça. Oui, mais c'est des bonnes bactéries. Dans 2. N'ayons pas peur. Non, les bonnes bactéries. Mais. Ouais. Balabalabalabalaba. Bactéries. Les bars qui jouent de la musique lente. Vendre plus d'alcool, de drinks que les bars qui jouent de la musique rapide. Pourquoi? Parce que les gens sont déprimés? Peut-être, moi, ouais, je sais pas, j'essaie de comprendre. Tu vends plus d'alcool quand la musique est plus lente. C'est quoi, tu bois... Non, pourtant, il me semble que tu bois plus vite quand la musique est plus rapide, fait que t'achètes plus souvent des drinks. Je sais pas. Je sais pas. Mais bon, c'est vraiment officiel, c'est vraiment bars okay. jouent, qui jouent de la musique lente vendent plus de drinks. Les pandas rouges sont les seuls animaux qui ne sont pas des primates, dans le fond, qui sont capables de goûter le goût du sucre artificiel, l'aspartame. OK. Ils sont les seuls à pouvoir goûter ça à l'extérieur des primates. Les Aztèques fabriquaient une pâte qui ressemblait à du beurre d'arachide. Ils utilisaient ça pour traiter les maux de dents. Okay. Ça fait mal aux dents, genre le beurre de pin. Ouais, puis maintenant, ils mettent ça dans la bouche des chiens pour faire des films. C'est ça. Mugsy Bogues, à 5 pieds 3 de grandeur, était le plus petit joueur à avoir joué dans la NBA. OK. 5 pieds 3. Ah, pauvre petit homme. Fait que tu sais, quand tu dis, ah, tu sais, je suis trop petit pour jouer au basket. C'est faux. T'es trompé, toi. Ouais. Les étudiants qui prennent des notes à la main sont meilleurs à leurs examens que ceux qui prennent des notes sur leur portable. Ça a du sens, là. Faut que tu te concentres pour écrire. Taper, ça se fait tout seul. On sait tous comment taper. Là. Ouais, puis si là, tu te rends compte que t'es juste dans une boîte de commentaires Facebook. Mathieu is la racine carrée de... Oui. Ah tiens, récemment, c'était la Journée nationale du Nutella. As-tu entendu parler? Non. Ouais, la Journée nationale du Nutella qui est née lorsqu'un fabricant de pâtisserie, dans le fond un Italien, a mélangé des noisettes avec du chocolat pour augmenter, pour pouvoir étendre sa ration de chocolat. Il n'en avait pas beaucoup, donc il voulait étirer ça. Donc étirer la sauce. Étirer la sauce, exact. Littéralement. Wow. Wow. Et la Journée nationale du Nutella, c'était le 5 février dernier. Oh. Qu'est-ce que l'arachibitorophobie? J'ai vraiment de la misère avec ça, il est vraiment dur. Wow. Bonne chance pour le déchiffrer. Arachibutyrophobie. OK, arachide. OK. Donc là, j'hésite. Soit deux noix, comme dans une arachide. OK, oui, excuse-moi. Je regarde ailleurs. Une coquille. OK, arachide. Coq, ouais. Oui. OK, j'y vais avec arachide. Après ça, c'est butyro. Butyro, comme les abeilles, butine, mais au bureau. Donc, butyro, phobie. Donc, la peur des abeilles qui butinent les arachides. Hey, c'est-à-dire que t'as de conviction, je peux pas le croire. Arachibutyrophobie, c'est la peur d'avoir du beurre d'arachide poigné sur le palais de ta bouche. Ah, ben tu vois, j'étais pas si loin. Vraiment proche, butiné, on buccal. Était genre à... Ouais, c'est ça. Si ça avait pas été du fait du butinage, on aurait pu y croire. C'est du cabutinage! Cabutinage. Oui. Ouais. Aux Olympiques de 1904, George Acer a gagné 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent et une médaille de bronze en gymnastique, même s'il avait une jambe gauche en bois. OK. Puis après ça, il a fait fondre tout ça, puis il a fait des ordinateurs avec. Parce que... Acer. Je l'avais même pas pogné. Acer, c'est bon. Oui, mais si. Il devait faire les Acer en bois juste pour ça, mais juste le côté gauche. Wow. Bravo. Merci. Pas mal allumé un matin. Oui. Qu'est-ce qu'un ass-pipe? ASS, très union, PIPE. Ça, c'est... tu sais, quand t'as une auto, tu peux rajouter un pipe flow. Okay. Comme ça vroom, on pourra en parler dans notre chronique d'auto. D'auto. Ben là, tu te mets ça dans les foufounes. Hein? Comme ça, ça... Ça diminue le bruit. Ah, c'est un silence. Lorsque tu as des flatulences. D'accord. Non, en fait, c'est un instrument musical qui vient des British Virgin Islands. Ça, c'est une région britannique. Dans le fond, c'est fait à partir d'un exhaust, un tuyau d'exhaust de voiture. Et on joue à ça comme du tuba. Comme ça de même. C'est comme ça du tuba? Ouais, du tuba. Wow. Ass-pipe. T'es un homme orchestre, Mathieu. Mais oui, mais ça. C'était aussi le bruit du pet de Foufoune de ton affaire de tantôt, c'était ça. Les Olympiques de 1900 avaient un événement de tir au pigeon. OK. Tir au pigeon. Leon de London, qui venait, lui, de Belgique, et non pas de London, Londres, qui a gagné en tuant 21 pigeons. Des vrais? 21 vrais pigeons, c'est des pigeons vivants. Ah, je peux bien pas recevoir mon courrier. En 1900. Ah! Pigeons voyageurs! Les lettres de mon arrière. En 1932, le Brésil ne pouvait pas se permettre d'envoyer ses athlètes aux Olympiques de Los Angeles. Donc, ils ont chargé leur bateau de café et ont vendu le café sur le chemin jusqu'aux Olympiques pour pouvoir se permettre le voyage. Eh bien. Les Canadiens mangent plus de beignes par personne que n'importe quel autre pays. Ah ouais? Non, ouais. Ça, c'est à cause de Tim Horton. Bah, tellement. Et tellement. As-tu vu qu'ils ont sorti un Bang Blackberry? Non. Avec le logo de Blackberry, Tim Hortons. Ouais. Ah, ils essaient tout, hein? Compagnie canadienne qui encourage une compagnie canadienne. Il y en a une qui marche, il y en a une qui marche pas. Oui, c'est ça. attends un peu. Oh là là. Ouais, c'est difficile. Il y en a une qui est tout le temps en train de fourrer. Les beignes. Puis l'autre, c'est Blackberry. Ouais. Non, puis l'autre, c'était Morton. C'est ça. Ouais, il fallait travailler. Tout en train de fourrer, puis l'autre, c'était Morton. Ouais. C'était vraiment mal raconté. Ben, je comprends où tu en venais. Ouais, il aurait fallu l'écrire. C'est maladroit, mais. C'était un whiff. Mais ça. Ah, ouf, en 2006, on va couper son montage. En 2006, un homme australien a essayé de vendre la Nouvelle-Zélande sur eBay. OK. Mm-hmm. Le prix a monté jusqu'à 3 000 $ avant qu'eBay retire l'enchère. Ouais. Une minute après, genre, c'est ça. Il y en a un qui se fait tout le temps fourrer, l'autre, c'est... Ouais, l'autre, c'est... L'autre, c'est... Un skieur norvégien, Odd Bjørn Hjelmset, évidemment, qui a dit, après ne pas avoir gagné la médaille d'or en 2010, et je cite, « Je pense que j'ai vu trop de porno depuis les 14 derniers jours. » Il passe le temps, hein? En regardant ça. Puis il a pas gagné l'or. Pas gagné l'or. Hein. Donc, hein? C'est ça. C'est ça. Mais là, on pourrait sortir une phrase clé du genre « À couille vidée, pas d'or gagné. » l'autre, il rêvait tout le temps de fourrer. Puis là, c'était mortel. le championnat mondial du lancer du téléphone cellulaire okay. a lieu en Finlande à chaque année. Okay. Le gardien de 2012 a dit qu'il s'est préparé pour l'événement en buvant le plus possible. Okay. Il a juste bu. Il a vraiment bu puis il a réussi à lancer son téléphone loin. Tu sais, t'es fâché. Là, ouais. C'est comme quand t'appelles au service à la clientèle un service de téléphone, mettons. Ouais. T'es vraiment fâché, mais t'es sous. Quand tu l'as créé après, tu lances ton téléphone. Ah ouais. Tu gagnes. T'en as plus de problème. T'en as plus. Voilà. Dans une entrevue, Bill Gates a dit qu'il choisit tout le temps la personne la plus paresseuse pour faire les emplois, les jobs et les travaux les plus difficiles. Parce que ces paresseux-là vont toujours trouver la façon la plus facile de se débarrasser de la tâche. OK. Donc, va travailler le moins difficilement possible et va tout le temps se rendre à son but. OK. C'est quand même pas intéressant. Pire. C'est Bill Gates. C'est pas rien, c'est Bill Gates. Mm-hmm. Hein, milliardaire. Là. Se faire botter dans les noix. On revient au Nutella. Oui. Se faire botter dans les noix. Il y en a un qui aime ça, se faire botter dans les noix, l'autre, c'est un peu de Nutella. Ouais. Donc, se faire botter dans les noix, ça va jusqu'à 9000 DEL. Donc, DEL, c'est des unités de douleur. OK? Ah. Unités de douleur. C'est similaire à donner naissance à 160 enfants okay? et se casser 3200 os en même temps. 9000 DEL. Wow. Imagine. Tu te plains parce que t'as accouché d'un enfant. Hey, ma tabarne, ma femme, ma petite madame! Quand, en 92, j'ai reçu mon coup dans les noix. Savais-tu qu'il y avait vraiment, un Captain Morgan? OK. Le gars de l'alcool, là? Oui. Ouais. Ben, Captain Morgan, c'était un pirate qui est plus tard devenu lieutenant-gouverneur de la Jamaïque. Ah oui, OK. Captain Morgan. Oui. Sacré Morgan. Eh oui. qu'est-ce que ça veut dire? Sais-tu, ouais. Quand il est mort, sais-tu où est-ce qu'on l'a retrouvé? Je sais pas. Oui, mais non, vas-y. À la morgue. À la morgue? Je la trouve vraiment très bonne. Ouais, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Backpfeifengesicht. Backpfeifengesicht. Ça, c'est quand t'écoutes de la musique classique. Back. Ton auto veut pas démarrer. Backpfeifengesicht. Ouais, okay. C'est de l'allemand pour un visage qui donne envie de frapper dedans. Ah oui, OK. Donne un gros coup. Bon. Ouais. Et finalement, le célèbre logo de Walt Disney, tu sais, le logo, c'est la signature de Walt Disney, ouais. On la voit tout le temps. Et bien, c'est pas vraiment sa signature à lui, en fait, c'est un artiste qui a vraiment dessiné la main d'écriture en se basant, j'imagine, sur la réalité. J'espère, en tout cas, que c'est basé sur quelque chose. Sinon, c'est un petit peu traître. Ben, c'est, ouais, ils l'ont fait artistique. Comme qu'on dit. Exactement. Voilà pour C'est un fait. OK. Wow. On a appris bien des choses. On a ri beaucoup. C'est ça. L'autre, ben, c'était Martin. C'est-tu Martin? C'est ça. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Une dame ici, et c'est en vidéo, vous irez voir le lien sur la page Facebook du dîner de cons. Elle s'appelle Maya Nava. Elle a 18 ans, elle n'a qu'un rêve, être sacrée Miss Venezuela. Et pour voir réaliser son rêve, eh bien, la jeune femme est prête à tout pour satisfaire les canons de beauté, y compris l'inimaginable. Eh bien oui, vous allez voir ce qu'elle a fait. Pour mincir, il existe un moyen aussi simple que radical. Tout simplement ne plus manger. La maigreur extrême de certains mannequins contemporains est l'objet régulier de polémiques et de rumeurs. Et le cas de Naya Nava pourrait bien relancer tout ce domaine, tout ce discours. Ben oui, parce que cette jeune Vénézuélienne de 18 ans, filmée dans le cadre de l'émission Extreme Beauty Queen, Secret of South America, c'est un documentaire qui sera bientôt diffusé sur la BBC 3. Et elle se montre prête à tout pour coiffer donc le diadème de la Miss. Maya Nayar, qui a déjà dépensé 7 000 $ pour refaire son nez et sa poitrine, en effet testé une nouvelle astuce pour maîtriser son poids. Elle a fait coudre sur sa langue un grillage en plastique dont l'effet est radical. Elle se fait coudre un grille sa langue pour pas manger. Cette maille rend la déglutition d'aliments solides particulièrement douloureuse. Dès lors, la seule consommation d'aliments liquides, souvent moins caloriques, demeure envisageable pour éviter un destin funeste. Bravo! La ruse de Maya serait consternante si elle n'était pas que le résultat d'une futile coquetterie. Mais si la jeune femme veut se donner tous les moyens d'être reconnue comme une reine de beauté, c'est par nécessité. Maya Nava habite en effet dans un bidonville de Caracas qui est nommé Santa Cruz, oui, dans lequel on enregistrait un meurtre toutes les 40 minutes. Un titre de Miss Venezuela lui permettrait de fuir cet enfer avec sa famille. Et c'est pour ça qu'elle s'est fait coudre une grille sur la langue. Bonne idée, hein? Tant qu'à ça, t'es mieux juste de pas manger, là. Je trouve que c'est rendu ridicule de se mutiler de la sorte. Mais bon, c'est simplement mon avis, hein? Ben oui. On reste en Amérique du Sud. On parle qu'en Colombie, eh bien, des centaines de personnes sont sans pantalon dans les rues de Medellin. Plusieurs centaines de personnes ont participé dimanche hier à Medellin à la journée sans pantalon et ont défilé en sous-vêtements afin de défendre la liberté d'expression. La majorité des participants, principalement des jeunes gens, s'étaient rassemblés à l'appel des réseaux sociaux. La manifestation avait pour objectif de promouvoir la libre expression et de montrer que l'important n'est pas comment on s'habille, mais qui on est. C'est ce qu'a expliqué à la presse Sébastien Garcia, un des organisateurs. Les manifestants, parmi lesquels des familles entières ont défilé dans la ville, anciens bastions des trafiquants de drogue, en criant des mots d'ordre en faveur de la liberté. La manifestation s'est inspirée du No Pant Subway Ride, organisé au mois de janvier dans diverses capitales du monde et qu'on avait couvert avec nos nombreux journalistes ici même dans le Dîner de cons. Hein? Vous le savez. Et puis, tiens, on va s'en faire une autre ici. Un septuagénaire qui fête son anniversaire à la cocaïne. Pourquoi pas, il n'y a pas d'âge pour s'amuser, comme on dirait. C'est jeudi soir à la police de Wilhelmsdorf, quartier paisible de l'ouest de la capitale allemande, qui avait été alerté et que la drogue semblait changer de main dans un bar. OK. Donc, arrivé sur place, les forces de l'ordre ont interrompu la fête donnée par la tenancière pour son 76e anniversaire. Ils ont rapidement constaté qu'un grand nombre de participants étaient manifestement déjà sous l'emprise de stupéfiants, probablement fournis par l'hôte. La septuagénaire avait déjà été arrêtée fin janvier par la police qui avait trouvé 35 grammes de cocaïne dans son établissement et son appartement. Elle avait été mise en liberté samedi par un juge. Cette fois, après l'intervention des forces de l'ordre, son bar a été fermé. C'est ce qu'a précisé la police. Ben là, c'est sûr, si ça n'en vient une maison de vente de drogue, c'est pas tout à fait le party. Ben, c'est le party pour elle, là, mais en tout cas. Hein? Et puis, tiens, on va aller voir cette publicité qui a été censurée par le Super Bowl. On va aller voir pourquoi. Hein? Donc, les grandes entreprises le savent, la NFL est plutôt pointilleuse quant au choix des publicités pour la diffusion de la finale de son prestigieux championnat. Armes à feu, pornographie, contraception, tabac, sexe, autant de sujets qu'il vaut mieux éviter d'aborder, sous peine de voir son annonce bannie des écrans de télévision. Pourtant, la marque Dreamwater n'a pas hésité à jouer la carte de la provocation pour cette édition 2014. Un choix finalement payant puisque la publicité, a bien été censurée lors de cet événement, mais la vidéo a fait depuis le tour du web. Vantant les mérites d'une boisson relaxante, la publicité en question met en scène une jeune fille sur le point de se noyer qui se voit apporter l'aide d'un beau sauveteur, véritable gentleman. Il la ramène jusqu'alors chez elle avant que l'atmosphère ne se réchauffe soudain entre les deux qui finissent sous la couette de la demoiselle. C'est alors que la jeune femme se réveille. Elle était en réalité en plein rêve érotique et l'homme qu'elle imaginait être dans ses draps se révèle être nul autre que son chat. Un animal très coquin, puisqu'il lui accordera même un petit clin d'œil des plus suggestifs. Il la rend pour certains de très mauvais goût pour d'autres. Toujours est-il que la publicité n'a pas réellement plu à la Fox, qui était la chaîne chargée de la retransmission du match, puisqu'elle était purement et simplement interdite de diffusion au même titre qu'un autre spot avant elle qui avait fait les frais. Donc, c'est la marque qui permet de confectionner ses propres sodas. OK, ben c'est ça, il nous parle de la publicité de SodaStream aussi, qui avait été coupée. Bon, ben tiens... Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Surtout quand c'est comme ça, là, c'est même pas une histoire Il n'y a rien, finalement. C'est juste des sous-entendus. Et puis, c'est dans la tête des gens qui regardent le problème. Là, parce que ce qu'on voit à l'écran, il n'y a rien de déplacé en tant que tel. C'est seulement... c'est rieur, c'est coquin, c'est drôle, tout simplement. Et tiens, on va s'en faire une autre avant de poursuivre en musique. On vous propose de devenir propriétaire d'une villa sud-africaine de luxe pour aussi peu que 99 euros. On y va tout de suite. C'est le Néerlandais Peter de Paxter et son épouse belge Arlette Box qui s'est installée en Afrique du Sud en 2004 pour profiter du soleil local. Seulement, Arlette souffre d'une leucémie et le couple doit aujourd'hui retourner en Europe pour des raisons médicales. Les deux amoureux ont donc logiquement décidé de mettre leur villa en vente, mais d'une façon plutôt originale. En effet, Peter et Arlette ont organisé un système de loterie pour vendre leur propriété qu'ils comptent vendre. Alors, 9999 tickets à 99 euros. Un seul ticket gagnant permettant de remporter la maison. Il est possible d'acheter des tickets en lot de 5 à 95 euros ou en lot de 10 à 90 euros l'unité. Pour moins donc de 100 euros, vous pourriez donc faire l'acquisition d'une superbe villa pour 6 personnes avec piscine située dans un domaine viticole à 55 km de Cape Town. Une bonne affaire, mais pour cela, il vous faudra un peu de chance. Mais quand même, il y a juste même pas 10 000 billets, là. C'est pas mal plus sûr de gagner ça que n'importe quel loto. En payant donc 99 euros, vous aurez la chance, une chance sur 9999 de devenir propriétaire de la villa. Sur leur site officiel, le couple annonce que cela vous donne de grandes chances de gagner. Un constat peut être exagéré, mais pas complètement mensonger. Rappelons qu'en comparaison, vous aviez une chance sur 116 millions probable de toucher le gros lot à l'euro million avec un ticket à 2 euros. La vente d'une maison via un système de loterie n'est pas autorisée en Europe, à l'exception faite de l'Autriche. Le couple a donc créé un site autrichien comprenant toute information utile ainsi que le formulaire à remplir pour acheter des tickets de loterie. Si le couple vend 9999 tickets à 99 euros l'unité, il devrait empocher quand même 989 901 $, ben euros, ce qui donne finalement un prix plutôt raisonnable, presque 1 million de dollars. Belle nouvelle, et puis courez la chance de gagner cette villa. Cette vie-là et cette vie-là. Ben oui, un méchant jeu de mots. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Assemblage requis. Tantôt, on a parlé de voiture. La voiture, ça peut être considéré comme un sport. C'est de la, ça? Oui. La course de voiture. Puis, il y en a qui en font un loisir. Exactement. C'est ça qui nous amène à la prochaine chronique. C'est pas merveilleux comme lien, ça, Marie-Laurence? Hein? T'es contente? Okay, hein? Oui. Voici le loisir bien plus qu'un jeu. Et le loisir bien plus qu'un jeu avec Marie-Laurence Audet. Bon matin. Bon matin. Bonjour. Ça va? Oui, et vous? Oui, ça va. Ça fait pas longtemps qu'on s'est vu parce qu'on s'est vu hier à la chronique de la GE, mais pour la chronique, le loisir bien plus qu'un jeu, ça fait un petit bout quand même. Deux semaines au moins. Deux semaines. Au moins. On doit se mettre au courant de ce qui se passe en loisir. Non, c'est pas ça partout de ta chronique, en fait. On parle de quoi aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, j'essaie de briser un stéréotype. Je vais vous parler du rôle de l'animateur. Oh, l'animateur, pas l'animateur radio, là. Ben, ça peut. Si vous vous sentez concerné, portez le chapeau. Oui, mais en fait, mets-le. J'aime pas ça, des chapeaux. Bon, ben, on mettra pas de chapeau. Mais en fait, je vais parler de l'animation en général. C'est certain que je vais plus cibler les animateurs en camp de jour, camp de vacances. Mais je dirais que l'animation en général, pas mal tout le monde est concerné. L'animation 3D, les gifs animés, non? Exactement, même combat. Fait que, dans le fond, ce matin, j'aimerais vous parler que. Être animateur en camp de jour, dans un centre des loisirs, ou peu importe, comme tantôt tu mentionnais, être animateur radio, c'est plus qu'un simple métier, une simple fonction, un simple passe-temps. C'est même une vocation. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais ça briser les espèces de stéréotypes derrière ce rôle-là qui est plutôt méconnu. Donc, pourquoi je parle de l'animation? C'est parce que ma chronique est sur le loisir. Et souvent, quand on dit loisir, les gens associent rapidement ça à l'animation. Donc, étudiant loisir, ah, tu vas l'animer. Ben ouais, c'est pas juste ça. Fait que, dans le fond, moi, ce que je voulais vous parler, c'est que les animateurs, comme je disais tantôt, je vais cibler plus sur les animateurs de camp de jour, camp de vacances, c'est souvent un premier emploi pour plusieurs. C'est souvent un tremplin où est-ce qu'on dit que les gens vont aller chercher de l'expérience de travail, mais on voit pas ça comme une place où est-ce que les gens vont s'épanouir, se découvrir, et même comme un lieu d'expérience. Les gens, ils voient ça, comme je te dis, c'est pas comme le début d'une carrière. C'est mon jeune va commencer à travailler cet été, il va aller s'occuper des petits jeunes. Puis après ça, il va faire de quoi de vrai, tu sais. Exactement. Vrai job. C'est comme en attendant, c'est vraiment ciblé comme un tremplin que tout le monde peut faire. Tu veux être animateur, il y a de la place, il en cherche tout le c'est monde. C'est d'une job à tremplin à une job à temps plein après. C'est plein de rebondissements. Oui. Tremplin de rebondissements. Oui. Sauf qu'on voit pas ça comme le début d'une carrière ou le début d'un domaine d'intervention. Puis, dans le fond, les compétences qui sont nécessaires pour réaliser ce rôle-là sont souvent sous-estimées. Parce que c'est drôle, on sous-estime, on va dire que le jeune, il est juste animateur de camp, on va quasiment rire de ce rôle-là. Pourtant, c'est à lui qu'on confie un grand nombre d'enfants, un grand nombre de responsabilités. C'est quand même assez impressionnant, l'espèce d'ironie de la chose. Puis, dans le fond, l'animateur va souvent suivre des cours de base qui est plus technique en disant comment animer et tout. Mais les gens oublient derrière ça que peu importe le nombre de formations que tu vas suivre en tant qu'animateur, il y a une grosse partie qui est innée, il y a une grosse partie qui ne s'apprend pas derrière des livres, derrière un examen. Mm-hmm. Mais ça, c'est pas ça qui est reconnu. Parce que dans le fond, de savoir animer, c'est autant de savoir capter l'attention d'un auditoire, d'un groupe, des jeunes, peu importe, mais c'est aussi de le garder. C'est de savoir mener ton public où tu veux. Parce que vous remarquerez qu'un bon animateur peut faire n'importe quoi à un groupe. Je sais pas de quoi tu parles du tout, ça. Fait que, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Si le chapeau te fait... Mais on se souvient tous d'un party qu'on est allé, souvent plus de party corporatif ou autre, ou est-ce qu'un animateur qu'on connaît pas mon oncle, là. Un animateur qu'on connaît pas, un animateur de soirée, un maître de cérémonie, va réussir à faire lever une foule de 500 personnes. Levez-vous debout, tout le monde a fait des jumping jacks avant de partir le souper. Pourtant, il y en a qui seraient arrivés en avant qui auraient dit ça, puis le monde aurait ri, le monde aurait fait « Ben voyons donc, on va faire ça ». Un bon animateur peut faire n'importe quoi à son groupe. On peut le voir dans les initiations aussi. Puis avec les jeunes, c'est un peu le même principe. C'est toi qui travailles sur leur imaginaire, puis tu peux les emmener n'importe où. Donc, en fait... Une autre chose que je voulais aborder par rapport à l'animation, c'est que souvent, on voit pas l'animation tant qu'elle est bien faite. Un peu comme une voix off dans un spectacle. Tu vas remarquer si c'est de la merde. J'ai dit merde. Non. Je voulais dire... Défécation. C'est exactement. Non, mais tu vas remarquer quand c'est pas bien fait, tu vas dire, mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Mais tant que c'est bien fait, tu remarqueras pas le talent derrière la chose. Puis, si on revient un peu tantôt au rôle de l'animateur d'un camp, des quarts de jour, début de carrière et tout, je pense qu'il n'aide pas non plus à la reconnaissance du rôle, puis si on peut appeler ça de l'emploi. C'est aussi le fait de le mettre au salaire minimum, puis de le laisser accessible à tout le monde, de ne pas cibler la bonne façon d'aller chercher les bons animateurs. Ouais. Quand on le met au salaire minimum, puis qu'on dit que tout le monde peut le faire, il y a un manque de reconnaissance face à ce rôle-là. C'est ça. Puis les autres se retrouvent avec n'importe qui, puis ça donne une mauvaise image. Exactement. À la chose. Ouais. Puis comme tantôt je disais, si tout le monde peut le faire, puis qu'on trouve juste que... On l'identifie au petit clown qui est capable de s'occuper d'un groupe, ouais, mais pas à des qualités professionnelles. Puis une des preuves, c'est qu'on va voir que dans le cursus scolaire obligatoire d'un enfant, d'un jeune, primaire, secondaire, il n'y a aucun cours obligatoire face à l'animation. Il n'y a aucun cours par rapport à cet art-là, si on veut, qui pourtant, après, on le nécessite partout. On le nécessite à la radio, on le nécessite dans des galas. On cherche tout le temps des animateurs, mais dans l'ombre de certaines choses. Fait que là, on veut le meilleur animateur pour présenter les gagnants de trophées. Sauf que c'est ce qui va faire ta différence dans ta soirée. Pourtant, le spot va pas être mis sur lui, même si c'est lui qui est en avant. Donc ça, c'est vraiment l'ironie de la chose. Et moi, ce matin, je voulais vous partager un texte. Un texte que j'ai trouvé, en fait, qui m'a été partagé il y a une couple d'années, qui définissait c'était quoi un animateur de camp. Un animateur de camp de jour, de camp de vacances. Je sais pas, Jean-Philippe, si tu l'avais déjà entendu. Ah, je sais pas. Je le dirai après. On va voir ça. Donc, je vais vous le lire, puis après, je reviens avec un suivi. D'accord. Pas long, j'ouvre le texte. On est prêt. On est là. Manon, on est prêt. Manon, on peut t'annoncer comme animatrice. Et voici votre animatrice, Marie-Laurence Rodet. C'est un texte que je trouve qui est vraiment pertinent. En fait, je vais vous le lire puis je vais revenir dessus après. Donc, qu'est-ce qu'un animateur de camp de vacances? Quelque part entre l'adolescence et l'âge adulte se trouve un stade du développement humain qui n'existe pas chez tout le monde et qui est physiquement et psychologiquement impossible. C'est le stade de l'animateur de camp de vacances. C'est une créature non définie par les psychologues, adulée des campeurs, admirée ou doutée par les parents et oubliée par le reste de la société. Un animateur, c'est une combinaison rare, une combinaison que l'on ne retrouve pas souvent. C'est un médecin, un avocat, un psychologue, un comédien et un général. C'est un spécialiste de l'enfance qui a aucunement besoin d'une formation en pédopsychologie. C'est un gardien sous-payé, disciplinaire, mais qui a toujours la petite étincelle dans l'œil. C'est la personne qui a toutes les réponses, mais qui a autant de questions que les campeurs. C'est un arbitre, un coach, un enseignant et un conseiller. Il est l'exemple de ce qu'est être un adulte, tout en portant des sandales, un coton ouaté trop grand et une tuque en été. C'est un docteur en cas d'urgence, un chanteur solo, un entertainer, un improvisateur et un réalisateur de pièces de théâtre. C'est un idole qui se promène la tête dans un nuage de fumée et de feu de camp et les pieds dans la boue. C'est une personne réconfortante dans une tente qui coule et un ami qui a prêté sa dernière paire de bas secs. C'est un guide en forêt pendant qu'il a les deux pieds dans l'herbe à puce. Un moniteur haït les réveils, attendre en ligne, les inspections et les jours de pluie. Il adore profiter du soleil, enseigner des nouveaux jeux, se retrouver cinq dans une voiture et avoir juste 43 heures de congé. Mmh. Un instant. Il est le seul à être capable de trouver un maillot perdu, de réparer une hache d'expédition et de jouer de la guitare tout en oubliant une trousse de premiers soins, son heure de repas ou le couvre-feu. Un animateur, c'est le héros qui se lève pendant une nuit pluvieuse pour accompagner le campeur aux toilettes. C'est l'animateur de foule énergisant qui met du piquant dans tout ce qu'il fait, même après seulement deux heures de sommeil pendant son congé. C'est le magicien qui trouve le remède dans l'ennui, aux piqûres de moustiques et au cœur brisé. C'est celui qui donne son dessert au meilleur archer, qui connaît des douzaines de chansons de camp par cœur et qui connaît une panoplie de jeux qui joue avec un ballon. Et là, ça termine le texte en disant que dans le fond, l'animateur, c'est la personne qui va revenir en ville, qui va discuter avec le monde autour de lui, qui va raconter tout ce qu'il a fait, mais que personne ne va le comprendre. Parce que c'est un monde en soi, l'animation, puis ça se comprend entre gens qui la pratiquent aussi. Puis je pense que c'est un domaine qui n'est pas assez connu et reconnu et qui n'est souvent pas connu à sa juste valeur. Puis aujourd'hui, dans le fond, je voulais vous parler de l'animation parce que moi, si je parle personnellement, c'est ce qui m'a amené dans le milieu du loisir. Souvent, on s'en rend pas compte parce que c'est pas un parcours régulier. Là. L'animation, souvent, c'est un à côté. Mais c'est comme ça que j'ai découvert ce monde-là qui m'a permis après de... Tu sais, comme on parle de semaine en semaine, différents aspects du loisir. Tu peux avoir autant de l'animation, de la recherche, de la gestion, du sport, de la culture, peu importe. Mais c'est en rentrant là-dedans que tu découvres tous les bienfaits dans le fond du loisir. Moi, c'est par l'animation que je suis rentrée dans le milieu. Puis, c'est pas demain matin non plus qu'on va changer les conditions de travail de l'animateur. C'est pas demain matin qu'il va être reconnu à sa juste valeur. Mais si dans le fond, je peux vous avoir ouvert l'œil juste sur qu'est-ce qu'un animateur, qu'est-ce que l'animation. Si vous pouvez peut-être juste le reconnaître, c'est pas lui voir une médaille, là. Mais sans le bâcher ou juste... en comprenant mieux sa réalité derrière son rôle de petit clown. Yo, mon chum, good job. Exactement. Ouais. Mais je pense que je vais avoir réussi quelque chose parce que des fois, une tape dans le dos pour dire « bravo », c'est ce qui fait la différence. Puis pourtant, l'animateur, il ne le demande même pas, sauf qu'on est porté à l'inverse, à critiquer les petits détails ou ses oublis. Donc, c'est là-dessus que je voulais aborder ce matin. Et comme tantôt, tu disais, tu as parlé d'animateur radio, mais c'est l'animation dans n'importe quoi. Donc, autant un animateur radio peut se sentir concerné. Là, je parlais des animateurs de camp, mais il y a des maîtres de cérémonie, il y a des animateurs de gala, il y a des animateurs un peu partout, puis on s'en rend pas compte. Donc, je voulais vous ouvrir les yeux sur cette face cachée du loisir. T'as bien fait ça. Oui. Marie-Laurence Audet, yo chamette, good job. Oui. Hey, merci, vous aussi, les animateurs. Je tape à distance parce que j'ai pas la main qui se rend. Et on te retrouve dans deux semaines. Ben non, la semaine prochaine, puis après, oui. À toutes les deux semaines. Ah, c'est ça, oui, deux chroniques dessus, parce que t'en avais manqué une, etc., etc. Fait que la semaine prochaine, mardi, exactement. À 8h. Mardi prochain, 8h, c'est un rendez-vous. Yes! Marie-Laurence Audet, merci. Yes. Nous, on continue en musique. On s'en va entendre une pièce, une nouvelle entrée, en fait, du côté anglophone, c'est Broken Bells. Voici leur extrait Holding On For Life sur After the Disco. Puis plus tard, on a King Sexy Time, sans rien. J'ai hâte. On va se casser la cloche, comme ils disent. On dit pas ça. Broken Bell, ça se casse la cloche. C'est une petite boule dans le milieu. Les gros lots. Les gros lots. Girl, take a seat. Rest your weary bones. The secret's safe in my hands. Tell me about the years and let me buy an hour. Maybe help me to understand. Holding on the line. Broken Bells et Holding On For Life. Ah, Holding On For Life. Je sais pas pourquoi. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Tous à poil! Eh bien oui, une polémique sur un livre pour enfants en 4 actes. C'est un ouvrage qui aborde le thème de la nudité, donc, qui a été dénoncé par Jean-François Copé. Mais les auteurs et le gouvernement dénoncent des exagérations du patron de l'UMP, Parti français. Donc, le livre compte, un peu de mots. Mais il fait couler beaucoup d'encre. Tous à poil, un livre pour enfants publié par les éditions Rouergue et qui est au centre des critiques de l'UMP contre la politique du gouvernement en matière d'éducation, comme l'a dénoncé Jean-François Copé dimanche dernier. Cet ouvrage destiné, selon son éditeur, à apporter un regard décomplexé sur la nudité. C'est une suite de dessins où l'on voit des adultes et des enfants en train de se déshabiller. Pour l'opposition, il représente un danger pour les écoliers. En réaction, l'éditeur dément et le gouvernement dénonce un retour à l'ordre moral voulu par l'UMP. Retour en 4 actes sur cette polémique. Donc, il était invité dimanche 9 février au grand jury et Jean-François Copé est interrogé sur les vifs débats entourant la prétendue théorie du genre. En réponse, il brandit tous à poil et feuillette le livre avec ironie. « Quand j'ai vu ça, mon sang n'a fait qu'un tour », dit-il. Le président de l'UMP est alors formel sur le fait que le livre est recommandé aux enseignants pour les classes de primaire. Ça vient du Centre de documentation pédagogique. Ça fait partie de des listes des livres recommandés aux enseignants pour faire la classe aux enfants de primaire. Acte 2, eh bien, le Rouergue, une maison d'édition réputée dans le monde des livres pour enfants, ainsi que les auteurs Marc Dagneau et Claire Franek, s'étonnent sur la polémique. Comme ils l'expliquent au Figaro, leur objectif est d'aborder la nudité autrement que comme un tabou. Les enfants sont environnés d'images de corps plus ou moins vêtus et dans la publicité, sur les abribus, sur les couvertures des journaux People, sur Internet, partout. C'est ce qu'explique Marc Dagneau. Nous avons voulu leur proposer un regard plus juste sur le corps et surtout, nous le faisons avec humour. Eh bien oui, c'est ce qu'on peut comprendre. Acte 3, l'exagération de François Copé pointée du doigt. Les déclarations de Jean-François Copé concernant la recommandation du livre par l'Éducation nationale sont ensuite pointées du doigt. Comme l'explique le journal Le Monde, l'ouvrage n'a jamais figuré sur une liste des livres officiellement suggérés aux enseignants. Il se trouve en revanche sur une bibliographie d'une centaine de livres établis par l'Atelier des Merveilles, une association des parents d'élèves qui organise des goûters de lecture en Ardèche. Cette bibliographie a ensuite été relayée par le réseau des missions pour égalité hommes-femmes avant d'être reprise par le Centre régional de documentation pédagogique et de l'Académie de Grenoble. Si l'ouvrage n'est pas officiellement recommandé, il figure en revanche sur un site institutionnel, celui des fameux ABCD de l'égalité qui propose des ressources pour encadrer cette expérience visant à transmettre aux élèves la culture de l'égalité entre filles et garçons. Comme l'a expliqué le Lab, la bibliographie ardéchoise y figure au milieu de 6 autres listes tout aussi fournies. Le site d'info explique ainsi que l'information donnée par Jean-François Copé sur la recommandation officielle de l'ouvrage est donc amplifiée, mais pas complètement inexacte. L'utilisatrice fréquente de Twitter, Cécile Dufault, la ministre du Logement est la première à réagir dès dimanche soir en rappelant au passage que la politique de lutte contre le stéréotype sexué est antérieure au quinquennat de François Hollande. Là, s'en suit une discussion sur Twitter, je ne vous lirai pas tout, mais je vais vous lancer comme ça. Quelques heures plus tard, Marisol Touraine, ministre de la Santé, prend le relais en affirmant qu'on n'a pas besoin d'un retour à l'ordre moral. C'est clair, les trop bien pensants, c'est dangereux. Hein? Le gros bon sens, comme on dit, c'est toujours un peu dangereux quand on dit ça. Le bon sens, c'est bien, mais le gros bon sens, c'est un peu plus dangereux. Quel est l'objectif de M. Copé, d'agiter ou de diviser? Ce n'est pas le retour à l'ordre moral, ce n'est pas en surfant sur les inquiétudes et les tensions qui peuvent exister que la droite clarifiera sa position. Vincent Payon enfonce le clou. Je veux que les uns et les autres viennent à la raison, à la responsabilité, et surtout, laisse les enfants tranquilles dans ce temps électoral. Je demande directement à M. Copé, déclare le ministre de l'Éducation nationale. Il descend son attitude de quelques-uns et qui cherche en permanence à attiser les violences, l'incompréhension, les rumeurs, le mépris, ajoutant que c'est quand même au bout du du bout les enfants qui en seront victimes. Ben oui. C'est triste, mais ça, c'est la droite. Hein? C'est comme ça qu'elle pense et qu'elle gère. Et en tout cas, qu'elle veut gérer. Hein? Ici, on y va avec un article que j'ai pas développé hier, mais j'avais lancé le titre, puis j'avais même donné quelques des informations. Mais c'est vraiment un Indien de 35 ans qui est vénéré comme un dieu vivant dans son pays en raison d'une touffe de poils qui atteint 36 cm située en bas de son dos. Donc, il s'appelle Chan O'Haron, et il est considéré comme une réincarnation d'Hanuman, le dieu singe indien. Sa raison, eh bien, c'est sa queue de singe de 36 cm de long qui lui part des lombaires. C'est ce que je trouve drôle. En effet, cette mèche n'est une autre qu'une conséquence d'une malformation congénitale nommée le spina bifida et que l'homme laisse pousser volontairement. Si cette queue faisait l'objet de moqueries dès son enfance, elle est aujourd'hui devenue un objet de culte qui attire la foule jusqu'au petit village d'Alipoudar en Bengale occidentale pour toucher ses poils divin. Devenu un dieu vivant, ce cueilleur de thé songe désormais à ouvrir son propre temple afin de donner des bénédictions de masse. Pourquoi pas? Et là, sans se sentir comme une merde, il dit « Je suis Hanuman. Un jour, quand j'étais jeune, ma mère me l'a coupé peu de temps après. J'ai attrapé une fièvre aiguë et j'ai failli mourir à la suite de cet événement. Tout le monde m'a conseillé de garder ma queue. Elle est divine », a-t-il confié au journal. » Allez voir ça, particulier, donc c'est parce que le gars est atteint de spina bifida. Le gardien maladroit a déchiré un fauteuil de Napoléon. Tout à fait, hein? L'aise-majesté, donc un gardien du Fesh Hadachio, a voulu s'offrir un petit moment de détente en posant son séant sur un tabouret de campagne de l'empereur Napoléon Ier. Résultat, eh bien, les amoureux du patrimoine sont fous. Idem pour les admirateurs de Napoléon qui ne manquent pas deux siècles après la fin de son épopée. OK, qui ne manque pas deux siècles, OK. Gardien au musée de Fresh Adagio en Corse, eh bien, ce gardien a trouvé amusant de s'asseoir dans un siège de campagne prêté par le Mobilier National à l'occasion d'une exposition temporaire. Malheureusement, deux siècles d'histoire contemplaient le surveillant du haut de son modeste siège et sous le poids de cet indélicat, celui-ci n'a eu guère tardé à céder le cuir sur lequel l'empereur faisait reposer son poids, naguère n'ayant pas résisté, détériorant au passage les montants en bois. Il était un peu fragilisé, le petit siège. Le drame n'est heureusement pas irréversible et le fauteuil de l'empereur devrait faire l'objet d'une restauration. Quant au gardien farceur, il devrait comparaître prochainement devant une commission de discipline ad hoc. Eh bien oui, hein, quand t'es gardien, en plus, t'es supposé d'être là pour protéger les choses et non les abîmer. Hein? Ici, très, très, très, très sympathique. J'adore ce genre de joke. En plus, ça niaise nos amis policiers. Il piège justement la police en téléphonant au volant avec des gâteaux en forme d'iPhone. C'est un peu le Rémi Gaillard polonais, connu sous le pseudo S.A. Verdaga. Ce désormais célèbre YouTuber est un habitué des vidéos délirantes où il n'hésite pas à se tourner en dérision. La dernière en date, le Cookie Phone versus Police, qui est dans la lignée de ses précédentes, à cela de près qu'il a dû avoir recours à ses talents en pâtisserie. Ayant préparé à l'avance plusieurs petits gâteaux à l'apparence d'un téléphone, ce Polonais s'arrange ainsi pour se faire arrêter par la police alors qu'il utilise son portable au volant. Alors que les agents s'avancent pour lui mettre une contravention, il leur montre que ce qu'il croyait être un iPhone n'est tout autre qu'une appétissante pâtisserie et le prouve en n'hésitant pas à croquer dedans pour plus de réalisme. Une situation des plus insolites qui provoque des réactions somme toute bien différentes. Des rires à l'agacement en passant par l'indifférence la plus totale, mais dans tous les cas, cette astuce lui permet de passer entre les mailles du filet puisqu'il s'en tire avec aucune amende. Ben oui, c'est comme ça. Hein? par contre, la police, moi, je dis qu'elle peut faire peut-être, je sais pas, moi, nuit au travail d'un policier ou quelque chose du genre. Je pense qu'il peut avoir une amende pareille, mais bon. Comme il est filmé, comme il filme le policier, je pense qu'il peut peut-être s'en sauver. Allez voir, en tout cas, c'est bien sympathique. Il y avait quelqu'un ici au Canada qui avait fait ça, me semble. J'avais déjà vu passer une nouvelle du genre. Et vous? Qu'est-ce que vous faites pour niaiser les polices? On ne vous le demandera pas. quand même. Quand même, à 66 ans, il se nomme Henry. Henry, comme on voit, hein, sur la croix catholique, Henri Christo, et qu'il est persuadé d'être la réincarnation de Jésus-Christ. Comme on dit, il ne se prend pas pour de la merde. Portant robe, collier de barbe. Moi, j'ai beaucoup d'amis comme ça qui ont cru être Jésus-Christ. C'était pas nécessairement une preuve que ça allait bien. Hein? Portant robe, collier de barbe et cheveux longs, à 66 ans, Alvaro Thais n'a rien d'un grand-père tranquille, habité depuis toujours par une foi inébranlable. Cet homme prétend être la réincarnation vivante du Christ mort sur la croix. Voilà de cela des siècles. Voilà de cela officiellement, si on veut être drôle. Voilà, 2014 ans. Hein? Oui, on nous dit que c'est l'an zéro. Alvaro Thais, qui préfère se faire appeler Henri Christo pour Henri Jesus Nazarenus Rex Laduerum, soit littéralement Jésus de Nazareth, roi des Juifs, c'est ce que ça veut dire, d'y être guidé par une voix depuis sa plus tendre enfance. C'est à l'âge adulte, alors qu'il assiste à un office religieux à Santiago, au Chili, en 79, Santiago du Chili, oui, que Henri Christo a comme une révélation. À cette occasion, la voix que celui-ci a l'habitude d'entendre lui explique clairement être son père, le dieu Abraham, Isaac et Jacob. Il n'en fallait pas plus à Alvaro Thais pour que celui-ci comprenne alors qu'il était le fils de Dieu, réincarnation divine du Christ venu à nouveau sur terre pour guider les hommes. Après une telle épiphanie, Henri Christo décide de monter sa propre église. Ça, c'est payant, hein? Oubliez pas. Il inaugure donc dans une ferme au Brésil et baptise du nom de Soust pour Suprema Ordem Universal Santissima Trinidad. Donc, une réincarnation de Jésus qui ne fête pas Noël. Hein. Depuis la création de sa propre église, Henri Christo compte de nombreux fidèles, surtout des femmes. Particulier ça aussi. Hein. Pourquoi que c'est plus des femmes? On ne sait pas. Peut-être un peu plus crédule. Qui partage pour certaines depuis de nombreuses années la vie de cet homme un peu excentrique. La plus âgée de ses fidèles ayant soufflé ses 86 bougies, tandis que la plus jeune, elle, se trouverait seulement âgée de 24 ans. Bien qu'il se dit être la réincarnation de Jésus, Henri Christo possède pourtant quelques principes peu conventionnels qui lui attirent la méfiance de nombreux catholiques. Totalement opposé aux capitalistes, Henri Christo, qui est devenu entre-temps persona non grata aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Venezuela, est aussi farouchement opposé à la fête de Noël. Bien qu'il s'agisse d'une fête chrétienne destinée à célébrer l'arrivée du vrai Christ sur Terre, Henri Christo, pour sa part, n'y voit, lui, qu'un moyen pour les riches d'humilier les pauvres. C'est un jour où les enfants de riches peuvent montrer les cadeaux qu'ils ont reçus alors que les enfants de pauvres, eux, n'ont rien. Oui, on peut le dire de même. C'est ce qu'explique Henri Christo à l'Auditi Central. Il ajoute « C'est un jour très triste pour ceux qui le regardent avec les mêmes yeux que moi », ajoute ce Brésilien dont la mission est de sauver les élus d'une prochaine hécatombe nucléaire et pour créer avec eux une nouvelle société. Bravo! Je vais te donner l'adresse de Raël. Il cherche du monde, je suis sûr. Vous allez pouvoir vous associer et continuer votre beau message et votre belle nouvelle. Un couple propriétaire d'un appartement découvre leur appartement rempli de canettes. Donc, ce sont des images assez incroyables qui ont été récemment diffusées par le quotidien Ouest France. Des propriétaires d'une petite ville bretonne ont découvert leur appartement entièrement recouvert de canettes et de bouteilles de bière vides, bien entendu, comme on peut le constater sur ces images. Je vous invite à aller les voir. Eh bien, l'amoncellement peut atteindre à certains endroits un peu un mètre. Le tas de cadavres de bière est tel que la porte ne pouvait pas s'ouvrir de plus de 30 cm. En réalité, cet appartement situé dans la commune de Plorc-sur-Lié, dans le département de Côte-Harmore, est une location. Sophie Le Guyou-Rousseau et son mari le louent à un homme qui vivait seul. Cependant, le couple breton était sans nouvelles de ce locataire depuis près d'un an. C'est à cause de l'amas des loyers mensuels impayés que le couple a décidé de se saisir de cette affaire en justice. Le mari de Sophie Le Guyou-Rousseau, Sophie Le Guyou-Rousseau était accompagné d'huissiers et d'un géomètre pour ouvrir légalement l'appartement et y prendre des mesures dans le cadre d'une vente future. Et c'est avec grande surprise mêlée de dégoût que les hommes ont fait cette découverte totalement insolite. Des centaines de cadavres de bière amoncelés dans cet appartement de quelques mètres carrés. Concernant le propriétaire, le quotidien Ouest France explique qu'il habite plus dans cet appartement et malgré le fait qu'il soit entièrement en tort vis-à-vis ce propriétaire, ce dernier ne put être exclu de sa location. Effectivement, la trêve hivernale interdit au propriétaire d'expulser les locataires avant la date du 15 mars. De son côté, Sophie Le Guyou-Rousseau fait preuve d'un bon sens qui frôle l'admiration. Elle dit « J'ai beau être en colère révolté, c'est une personne qui a besoin d'aide, clairement, a-t-elle estimé, évoquant le locataire. Il reconnaît qu'il est en tort et que c'est sa faute, mais il n'a pas d'explication. Il est penaud, conclut-elle. » Assez particulier comme histoire. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. Voici la crème de la crème. C'est la crème de la crème avec Alexandrine Pichessir. Ah, oh, j'aime tellement ma musique, c'est pompeux, j'adore ça, c'est parfait pour moi. Très bien choisi pour une précieuse ridicule. Oui, j'ai le goût d'avoir un accent. Bon, on peut parler avec un accent si tu veux, ma chère. Ah non, mais ça va être honteux. Honteux? Bon, bref. On n'est pas très accent. C'est pas honteux à cause de l'accent, mais à cause de mon imitation d'accent. Non, c'est honteux parce que les Français me font. Non. C'est pas vrai, c'est une blague. Mais voyons, Mathieu. Donc, Alexandrine, aujourd'hui, on parle de plusieurs sujets, mais qui ont rapport avec un thème, n'est-ce pas? Oui, qu'est-ce qu'il y a ce vendredi cette semaine? C'est pas les poubelles. C'est pas vendredi 13, non, c'est 14, je pense. Oui, c'est la Saint-Valentin. Moi, la Saint-Valentin, je suis une éternelle romantique quétaine, alors c'est une de mes fêtes préférées. Oh. Alors, on va juste t'encourager en faisant des « ah », même si on n'est pas d'accord. OK. Ah. Pourquoi tu m'inclus là-dedans? Je sais pas, t'as l'air d'une fille qui ne s'inclut pas dans la Saint-Valentin tant que ça. Ben, normalement, oui, là. OK. Là, j'ai pas une scène. Mais peux-tu nous dire ce que t'as fait l'année passée pour la Saint-Valentin? Moi, oui. Je trouvais ça super beau. Oui, parce que cette année, ça s'enligne pour être... ben, un petit peu à la maison, le coupe de vin, rien de fla-fla. Mais l'année passée, c'était super quétaine, super cool. On est allé se promener dans le Vieux-Québec, faire des petites boutiques. Ensuite, on a fait un tour de calèche à la pénombre. Et ensuite, on est allé manger dans un restaurant là, dans le Bas-Québec. Donc, ça devait tellement être beau et amusant. Ouais, c'était vraiment chouette. Là. Puis c'est le fun, t'as la petite couverture là, en arrière avec la calèche. Puis tu regardes les gens de haut. Là, t'es comme, enfin, c'est moi qui est là. À quand des calèches dans le Vieux-Trois-Rivières? Oh boy! Ça serait le fun! Oui, ben oui. Malgré que la tournée, d'après moi, elle va être beaucoup moins longue et intéressante que dans le Vieux-Québec. C'est d'un Morgane à l'autre Morgane, à l'autre Morgane à l'autre Morgane. Alors ici, nous avons le Café Morgane, l'autre Café Morgane. Et finalement, nous finissons notre projet avec un autre Café Morgane. Puis l'année passée, à la Saint-Valentin, on avait, ben, dans le fond, la fille qui faisait notre tour de calèche. Elle nous a demandé si vous voulez un tour plus romantique ou un tour historique. Ah. Fait que là, ben... Ça l'a quand même embarqué, là, ma curiosité. Je devais un petit moitié-moitié. Tu parles pas trop, mais si tu as des informations pertinentes, tu peux nous les dire. Et là, je me suis gâtée. J'ai fait « Hey, c'est le moment ou jamais. Je vais enfin connaître la réponse. » Je dis « Madame, c'est quoi une porte cochère? » Et là, j'ai enfin su c'était quoi. Ça fait comme des années c'est que je me demande. C'est pas juif, là. C'est une porte cochère. C'est quoi une porte cochère? Ben, c'est tout simplement là où les cochers pouvaient entrer. Donc, c'est des grandes portes assez larges où la calèche pouvait entrer. Parce que les cochers pouvaient y passer. Mais voyons une Saint-Valentin remplie de découvertes. Ben oui, je me suis instruite. Ah oh, ben c'est le fun. Et toi Mathieu, que vas-tu faire cette année pour la Saint-Valentin? J'espérais qu'on m'oublie. Moi honnêtement, les fêtes là, ta blonde elle écoute. Oh tabarouette. Les fêtes se suivent et se ressemblent, je trouve, parce que moi ça donne drôlement dans les dates là, mais genre t'as Noël, t'sais. Après t'as notre anniversaire de couple en novembre, t'as Noël en décembre, t'as la fête à ma blonde au début février, t'as la Saint-Valentin deux semaines plus tard même pas. T'sais. Fait que toutes les fêtes sont comme rassemblées ensemble. Je te dirais pour la Saint-Valentin, je sais pas, je vais avoir de quoi de spécifique. Autre que peut-être un repas. Moi, je sais pas pourquoi tu trouves ça collé. Moi, en fait, au mois d'octobre, c'est la montée au mois de novembre, Noël au mois de décembre, Saint-Valentin au mois de février. C'est la même chose. Il y a un mois en chaque, puis il y a un mois, c'est assez pour. Il y a aucune raison, Mathieu. Bon. Persécution. Mais bon, étant donné que tu sais pas trop quoi faire pour gâter ta bien-aimée à la Saint-Valentin, je vais vous donner des petites idées. Ah, oh, c'est le fun, sous ça. Sous plusieurs thèmes. Okay. Moi, j'avais pensé à aller aux Valentines, je trouvais ça concept. Oui! Mais bon. Leur poutine est tellement moins bonne qu'avant, mais bon, ça, on en a déjà parlé il y a un mois. Mais ouais, des saucisses. Oui, des saucisses hot dog. OK, alors, première catégorie, nous avons le petit Saint-Valentin Indie. Du genre que tu t'apportes ta blonde pour l'impressionner un peu, lui montrer que tu connais Trois-Rivières et tous les spots amusants. Alors, bien évidemment, tu commences la soirée dans un café Morgane avec un bon latte. Mais oui, mais c'est parce qu'il faut se réchauffer pour la suite. Ensuite, tu apportes ta bien-aimée, mais très important d'avoir apporté ses patins en glace. Et vous allez patiner à l'île Saint-Quentin. Parce que le soir, il n'y a pas grand monde. Puis les pistes sont super belles. Ah, mais là, tu dis ça, puis tout le monde va être là. Là ben oui. En fait, tout le monde suit mes conseils d'entremetteur parfaite, mais bon. Puis je suis allée tester la glace de l'île Saint-Quentin en fin de semaine. Oui. Et elle est vraiment très belle. Puis c'est beau, il y a vraiment des petits sentiers sur le bord du fleuve avec la neige. C'est vraiment cute. Oh. C'est vrai que c'est beau. En tout cas. Je suis pas sûr que je serais capable de me tenir debout sans chaise, mais c'est bon. Alors, ça me semble de voir Mathieu faire le sentier avec sa petite chaise. Ah oui! Tu sais pas patiner, Mathieu? Je pense pas, non. Moi, c'est un peu moins romantique. Tu prendras une autre de mes idées. Ben non, au contraire, c'est romantique. Là, le gars maladroit, la première date, sauf que là, ça fait 6 ans, c'est ça? Ah oui, puis là, il tourne, puis il tombe dessus, puis là, il rit, puis il s'embrasse. Oh, comme dans avec les gros flocons qui tombent. Oui, puis une petite chanson en arrière. Oh. Okay, moi, j'imagine plus mon patin qui vient fendre la gorge, quelque chose comme ça. C'est juste pas le fun. Ah, oh, c'est tombé morbide. Ouais, un peu, on n'embarque pas là-dedans. Ouais. Bon, pour continuer. Après avoir patiné un peu au coucher du soleil, okay, oui. Vous pouvez apporter votre bien-aimé pour un souper. Mais là, souper, il y a tellement de beaux restaurants bons à Trois-Rivières. Oui. Moi, je vous conseille, c'est mon préféré, je sais pas pourquoi, mais c'est le premier que j'ai testé à Trois-Rivières, je l'aime beaucoup, le Aqua au centre-ville. Ah. Okay. Ben, ça fait beau, il y a comme des espèces de murs qui changent de couleur, puis les drinks sont vraiment super bons. Puis des fois, il y a des spéciaux pour les filles, 2 pour 1, fait que tu peux comme gâter ta blonde sans trop que ça paraisse. Mais moi, ce que j'aime pas à la Saint-Valentin, c'est que dans les restaurants, t'as un menu comme prédéterminé de la Saint-Valentin. Donc, t'as pas tout le temps accès au menu traditionnel. T'as comme le choix entre 2-3 affaires, t'es comme obligé de prendre une de ces 3 tables d'hôtes-là. Donc ça, on dirait que ça me... Ils font leur argent là-dessus, pas ça mal. Ça me dérange d'aller au restaurant à Saint-Valentin. Mais ça dépend où. Juste pour être sûr, le snack bar, les Saint-Quentin, est fermé l'hiver, ça? Le soir, je pense que oui. Oui, j'avoue qu'une bonne poutre, il n'y a rien de plus romantique. Une grosse licorne. Dans la neige. Puis après ça, ben après avoir soupé, vous avez le ventre plein, vous vous promenez au port. Ben oui. Mais oui, tu sais, pour faire digérer le tout. Et c'est là que, bien, le cadeau sort. Mais quoi donner à sa bien-aimée à la Saint-Valentin? Ouais, quoi? Mais il y a le traditionnel chocolat. Les gars, on va mettre quelque chose au clair. Du chocolat puis des fleurs, c'est pas quétaine. On aime tout ça en avoir. En tout cas, moi, personnellement. Mais attention, pas toutes sortes de fleurs sont fun à recevoir. Genre des pissenlits. Des pissenlits, non. Moi, sincèrement, les œillets, je trouve que ça fait... Je me tentais pas de me forcer. Mais les roses sont plutôt jolies. Sinon, des lys, c'est beau puis ça sent ben bon. Oui. Ça dépend de la fille, évidemment. Là. Tu dis ça en tant que toi-même, Alexandrine, mais il y a c'est des vrai. Filles qui vont triper œillets, peut-être. Ça Oui, mais ils ont 50 ans et plus. Les œillets, c'est non, c'est sûr. Mais la traditionnelle rose rouge, mais pas emballée, je trouve que ça fait plus beau. C'est vrai. Quand il y a comme le petit cellophane autour, là... Ça fait teint. Oui, oui. Ouais. Enlève le cellophane. On dirait comme ça, c'est toi qui t'allais cueillir les fleurs. En l'hiver, t'as trouvé de la place, le rosier. Mais oui, puis tu l'as tout défait. Mais là, dans ta bouche, tu sais que le sang, ça va vraiment faire comme super pacte de sang et tout. Hey, on s'est tombé sanglant, t'as ouais, Saint-Valentin. Ouais, un peu, hein. Je trouve ça un peu dommage, Mathieu. Désolé, je suis le même, je suis un éternel anti-romantique, ouais. Alors, c'était pour le plan la Saint-Valentin Indie. Alors, j'espère que vous avez noté. Si on veut récapituler, on commence au Morgane, après on va patiner, on va au restaurant, on fait une petite marche, puis on offre une rose et du chocolat. Sinon, je vais subtilement mettre la balado-diffusion à la maison. Juste le clip de cette affaire-là. Sinon, il y a le simpliste. Celui pour les gens qui veulent pas trop sortir parce qu'ils trouvent que la Saint-Valentin, c'est commercial. Ouais, on dirait que tu m'imites un peu, là, je me sens vexé. Mais trouvez-vous que c'est vraiment commercial? Ouais. Oui, comme toutes les fêtes, comme Pâques, comme Noël. Mais moi, je pense que c'est la meilleure occasion pour sortir sa créativité. Mais c'est ça. Essayez de trouver quelque chose qui sort un peu des sentiers battus. On n'est pas obligé de faire tout le même traditionnel pattern. Mais oui, comme qu'est-ce que je viens de dire, c'est très, très stéréotypé. Classique, mais mettons. Mais c'est très fluvien puis un peu hors des sentiers battus. Malgré qu'on dit stéréotype... On trouve tellement, oh non, c'est quétaine, qu'on les fait plus tant que ça, ces affaires-là. Ouais, mais on aime ça. Mais c'est oui, fun. On aime ça. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas commercial, puis c'est super romantique. De faire tout le temps, tout en même temps que tout le monde, le même jour. Ben moi, ma sortie Saint-Valentin, elle est le 15 cette année. OK, quand même déjà. Parce que je travaille le 14. C'est bon. Et je vends du chocolat. En plus. Mais bon, Alors, pour l'autre idée, c'est vraiment rester à la maison. Il y a plein de choses qu'on peut faire à la maison d'agréable, puis combler sa conjointe. Alors, tôt le matin, vous la réveillez avec un petit brunch sur un plateau avec des pétales de rose. Ah, okay. Oh, mon Dieu, je vais continuer de rêver. Alors, elle prend son café, là, elle est toute contente pour partir sa journée. Elle est toute maquillée, toute coiffée. Ben oui, c'est ça. Ouais, déjà dans le lit. Alors, elle part et un petit smoothie, c'est le fun parce que... C'est Marie-Lou, finalement. Quand on y pense. C'est le rêve de toutes les filles. Alors voilà, la dite Valentine part faire sa journée à l'école ou au travail. Et là, elle revient et l'appartement est tout propre et tout rangé. Juste ça, cher garçon, ça fait toute la différence. Ah, tellement! Avec une petite odeur là, de fond là, qui n'est genre... pas le restant du macaroni de la veille collé. Une espèce de mélange de pine salt puis de Febreze, là. Oh. Ça fait « J'ai lavé le plancher, ma belle oh! ». Alors voilà, et en plus d'avoir fait le ménage, ben, il a fait un beau souper. Les fondus, c'est toujours cool. C'est quand même assez facile à préparer pour les garçons qui ne savent pas cuisiner, puis c'est bon. Puis en plus, oui. Ça permet de se regarder dans les yeux et manger en se discutant. Ça étire le souper aussi, au lieu de juste avoir un plat, tu le manges, t'as trop mangé, puis... Ça, tu t'en vas t'évacher sur le divan. Mm-hmm. Ah. Alors, après la fondue, que vous avez bu beaucoup de vin, ben là, vous êtes un peu frivole. Alors, vous allez vous écraser sur le divan, vous allez écouter un film. Mais pas n'importe quel film. Écouter avec des guillemets? Oui, mais oui. Pour vrai. En tant que couple, la Saint-Valentin, c'est aussi fait pour se redécouvrir. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je suis totalement d'accord. Alors, ben là, vous êtes éméchés. Là, vous partez le film en vous embrassant, en vous embrassant. Et je vous conseille du François Truffaut. Okay. C'est un réalisateur français de la Nouvelle Vague. Il fait des films comme en noir et blanc, très romantiques, mais avec beaucoup de longueur pour pouvoir s'embrasser. Ah, c'est bon ça. Puis après ça, ben, vous offrez votre cadeau, fleur, chocolat. Et n'oubliez pas, messieurs, que selon Marilyn Monroe, le diamant est le meilleur ami de la femme. Et selon toutes les compagnies de bijoux aussi. Hein. Là, je pense que je mets beaucoup, beaucoup de pression sur les épaules de tous les garçons qui m'écoutent. Je sais pas. Mais faites, s'il vous plaît, de cette occasion un moment unique pour que votre blonde se dise « Ah, j'ai choisi le bon ». Oh. Hey, je suis tellement rabat-joie, mais ça me dégoûte tellement ces affaires-là. Mais voyons donc, t'aimes pas le romantisme, t'aimes pas... Non, j'aime pas ça. Mais écoute, sinon tu peux toujours l'amener au go-kart puis manger une poutre très très grasse avec du vinaigre un peu. Puis après ça, ben, vous allez caler une bière puis vous allez vous coucher. Du vinaigre dans poutine? C'est tellement bon, du vinaigre dans poutine, vous avez jamais essayé ça? Ben moi, j'aime pas en général le vinaigre, mais j'ai vu ça très très souvent. C'est super raciste. Bon. Ouais. Blanc. Mais ça, c'était le plan C qui était le plan plus... Rabat-joie. Non. Oui, c'est ça. Non, un peu tomboy. Oui, tomboy, mais c'est le fun d'aller au go-kart. Ben ou oui. Paintball, mais il n'y en a pas beaucoup à Trois-Rivières. Ouais. En tout cas, j'en connais pas. C'est à Saint-Étienne, je crois. Il devrait combiner les deux, tu trouves pas? Go-kart et paintball en même temps? Ouais. Tu peux pas dire ça? Ben pour une belle Saint-Valentin réussie, apportez votre blonde au paintball. Mais mon chum, son gun à paintball, on pourrait le faire dans la cour en arrière, tout simplement. Ben oui, tout des belles balles de peinture dans la face. Ah, oh, chérie, c'est tellement drôle, je saigne. Je t'aime. Oui, c'est ça, faut que ça saigne. Faut mais tout ça pour dire que oui, je vous ai proposé les deux premières qui étaient beaucoup plus romantiques, kitsch, parce que je suis une personne kitsch dans la vie. Mais vraiment, l'idée go-kart, paintball, arcade, peut-être, c'est quand même le fun. Puis ça permet un peu de retomber en enfance, puis de redécouvrir ton copain, ami. Parce que c'est important de sortir avec son meilleur ami dans la vie. Mais je pense, dans le fond, la Saint-Valentin, c'est pas nécessairement de faire les trucs qui sont un peu plus clichés, mais c'est trouver quelque chose que les deux vont apprécier puis qui va leur permettre de passer du bon temps ensemble. Être créatif. Mais oui. Puis après, dans le fond, après ta game de paintball, go-kart, tu t'en vas t'acheter un gros sac de bonbons. Ah, ben oui. Ou faire un pique-nique dans la neige. Ou aller regarder les étoiles dans le bois. Mettons, tu te perds, tu t'en vas vers Charrette. Tu te retournes vers le kitsch. Pour rester dans le pour plaire à Mathieu Plante. Hey, OK, attends un peu. Jouer à Mario Bros. Oh. Oui, c'est très cute. Tu vas te chercher du McDo, puis tu joues à Mario Kart au 64. Il y a l'affaire de 20 croquettes de poulet. Là, oui, c'est ça, le spécial des femmes. Bon, ben vous allez vous chercher ça. Hein, vous regardez Fort Boyard pendant 3 heures en ligne. Ouais, OK. Là, toi, tu fantasmes sur le nain. Fait que là, t'es prêt. Chérie, on s'en va dans la chambre. Aïe, aïe, c'est trash. On finit le miel du McDo, puis... Aïe, aïe. Je viens de te citer ta Saint-Valentin. Ben merci, en tout cas, en bonne partie, oui. Ben alors, j'espère que j'ai pu aider les personnes qui n'avaient aucune idée quoi faire. Là, vous avez comme 3 idées très différentes les unes des autres. Et ben, Nous allons peut-être déguster le chocolat un peu plus tard, Mathieu. Oui, Plante. Pour l'instant, on va entendre une très, très bonne pièce de Real Can You. D'habitude, sur le palmarès, on entendrait Holding On to the Metal, mais on s'en va entendre Show Me Your Eyes. Oh, c'est super romantique pour la Saint-Valentin. Ça dépend si tu es encore d'en face. Pourquoi tes yeux? Ça, c'est pas un cœur, hein, des yeux. Non. Ça se fait pas. Ça peut te glisser entre tes doigts, par exemple. Ouais. To the tick-tock, the sock hop. Time's crunching like a carnivore. I see you see me sneaking javelin glances. It almost feels like we've done this before. Oh, oh, don't try to catch it. C'est Royal Canoe et Show Me Your Eyes à Assemblage Ricky. On est toujours dans la crème de la crème. Bien sûr, et nous allons continuer avec le segment attendu par mes chers animateurs préférés. Nous allons goûter du chocolat. Chocolat. Alors, nous allons commencer par... J'ai été vraiment dans trois catégories différentes, comme mes trois catégories de choix de la Saint-Valentin. OK, est-ce que tu vas jumeler la sorte de chocolat avec ton type de Saint-Valentin? Hey, je pourrais, ça serait vraiment une bonne idée. Alors, pour la Saint-Valentin, Mathieu Plante... OK. Ça commence mal déjà. Mais non, c'est pas vrai. Pour la Saint-Valentin, plus enfantin amical, j'ai choisi des Lindt, qui est un chocolat très facile à trouver et toujours aussi bon et décadent. Et très facile à manger aussi. Oui, j'ai trois sortes. J'ai le rouge, qui est vraiment chocolat au lait que Stéphanie a shotgunné au début de l'émission. J'ai le chocolat blanc pour Mathieu. Parce que lui, il mange n'importe quoi, même du chocolat blanc. Et moi, le papier est bleu, mais d'après moi, ça doit être du chocolat noir. Mais moi, je veux me sacrifier pour Cindy aussi, qui s'est présentée en studio pour la chronique. J'aimerais ça lui en offrir un. Je ne sais pas lequel je devrais, mais tu me diras quand me sacrifier. Il y en a un que j'en ai quatre. D'accord, merveilleux. Si c'est le meilleur, je te le promets. Voilà. Alors, goûtons. Ah oui. Celui-là, j'aime ça manger la moitié, puis là, je laisse fondre. Ben, faut faire fondre, puis là, je parle avec, genre, la bouteille de chocolat. Stéphanie, peux-tu... Il y a quand même froid. Faire comme à la bouffe de la semaine, s'il te plaît. Et je baisse la trame. Voilà, merci c'est beau, Stéphanie. Hein? Merci. Merci. Il fallait le faire quand même. C'est tellement bon des lignes dedans. Ah, oh, comme, hein? Au chocolat blanc, j'ai jamais essayé, par contre, ça va être nouveau pour moi. Moi, c'est le chocolat noir, puis il est vraiment excellent. Très moi, difficile de parler avec ça, par contre. Ouais. Moi, c'est un classique, le chocolat au lait, là. Oh, oh, oh, oh, oh! Je pense que... Ben là, vous avez toute la bouche pleine. Faudrait pas, manger. Faudrait pas le faire les trois en même temps. Hein. OK, moi, je suis correct. C'est bon, pis c'est décadent, mais là, je suis déçue. J'ai pas fait fondre, puis il était un petit peu froid. Bon, c'est pas grave, j'ai trouvé quand même agréable. Fait que les garçons vont de l'offrir, laissez-le dans votre poche. Wow, ça a l'air bizarre d'une main. Je veux passer un commentaire en passant. Moi, les gens qui gardent le bord de chocolat dans le frigo, je trouve ça bizarre. Moi aussi! Hey, je fais ça, moi. Wow! Ouais, il est dur quand tu le manges. Non, mais c'est encore meilleur. J'ai un tiroir à chocolat dans le réfrigérateur. C'est bizarre, moi j'ai un tiroir à fruits puis un tiroir à légumes. C'est comme le fromage, c'est meilleur quand c'est chaud. Ben, c'est que tu le laisses sortir environ 5 à 10 minutes, comme ça il est froid, mais pas trop froid pour être genre incassable. C'est la technique. Non, non, c'est non, c'est non. Bref. Alors, Ma grand-mère faisait ça. Avec le vernis à ongles aussi dans le frigidaire. OK, bon, prochain chocolat. J'ai suivi tes conseils, Stéphanie. Ah oui? Chocolat à l'alcool. Alors, on pourrait dire que c'est pour la Saint-Valentin. La première que j'ai dit, la plus indie, aller patiner puis pour se réchauffer. On prend un petit chocolat Grand Marnier que j'ai pris à la nouvelle brasserie Le Temps d'une Pinte. Et ça vient d'une chocolaterie à Trois-Rivières, la chocolaterie Nancy Sanson. Ah. Alors, non, mais le fun. Chocolat au Grand Marnier qui m'ont mis dans une boîte de thé. Je trouve ça quand même assez particulier. Cindy, je vais te le donner pour que tu puisses le donner à Mathieu. Et moi, en hommage à... Tu vois, ça donne bien. En hommage à Mme Sanson. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit en arrière. Puis je repars ça. C'est magique. Hein? Tu n'as plus Mme Sanson. Merci. Hé, hey, elle l'a déjà dans la bouche. Ah non, hey, wow. Attends un peu, là. On n'est pas rendu là encore. Je trouvais qu'elle parlait avec un accent. Donc, c'est j'y vais. Fait qu'il n'y a comme pas de préliminaire quand vous mangez. Non, c'est direct, hein. Direct. Je suis tellement pas fan des chocolats à l'alcool. Ça marche pas. Ah ben moi, je suis étonnée. Je m'attendais à ce que l'alcool coule dans ma bouche, mais c'est une crème alcoolisée, en fait. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? Je suis encore en train de mâcher, mais c'est très crémeux. C'est, disons, comment dire, pâteux. Mais j'aime ça. Pâteux? Mm-hmm. Non, le goût qui reste à la fin dans la bouche est très bon. Mm-hmm. Mm-hmm. Petit goût d'orange, un peu. C'était à quoi, donc? Grand Marnier. Ah ben oui, orange. Grand Marnier de chez Nancy Sanson Chocolaterie. C'est ça, mais tu sais, pâteau dans le sens que ça a été bien mélangé, comme tu as dit, crème de... c'est pas juteux, c'est quand même ça donne une bonne... ben crémeux, bonne là. Bonne prise, crémeux, c'est ça. T'as pas besoin de pâteau. Bon. Après une raide de patins, c'est parfait, là. Ben oui. Vraiment parfait. Et les prochains, les derniers, après je m'en vais, là, je me dépêche. Ils viennent de Pure Délice Chocolaterie, qui est encore une fois une chocolatière de Trois-Rivières. On peut commander ces chocolats par Internet ou son seul point de vente est dans une charmante boutique au centre-ville avec une vendeuse formidable. Je me demande de qui on parle. Au Petit B. Et ça, c'est ses chocolats au caramel. Chocolat au lait caramel. Oh. Elle fait elle-même son caramel. Je vous jure, c'est le paradis dans ta bouche. Et en plus, il y a un cœur dessus et c'est dans un petit truc à muffin rouge. Oui, c'est spécial Saint-Valentin. Un cupcake, mettons. Alors lui, c'est pour le kitschy-kitschy, mais c'est tellement bon. Je vais faire attention à mes qualificatifs. Est-ce qu'on y va dans un ordre pour que quelqu'un puisse parler en tout temps? OK, bon, commence Stéphanie. Je commence avec le chocolat. Commentez le goût que dans ma bouche. OK, c'est bon. Je vous jure, c'est vraiment bon. Lui, il est coulant. Hey, j'étais supposée de manger pendant vous parliez, puis tout le monde me regarde. On n'est pas très bon à date, moi, dans les descriptions, et tout le monde dort juste manger en même temps qu'on parle. C'est juste vraiment trop bon. Lui est juteux, par contre. Oui, le caramel est très, très coulant. C'est très romantique. Mm-hmm. Mm. C'est vrai que c'est romantique, manger du chocolat à 8h le matin. Même. Mm. Lui était plus chaud que froid, celui-là. C'est peut-être la température. Mm-hmm. Est-ce que tu t'es assis dessus? Non. Mm-hmm. Mais les autres, ils ont passé la nuit dans mon auto. Lui, il était chez nous. Ah! Et j'ai fait manger du chocolat à Cindy. Ah, il est cool, hein? C'est ça qu'il faut dire? Faut il est en forme de cœur. Puis il est beau. Il est très bon. Il est plus romantique. Lui, tu sais, c'est comme la fille à prendre une bouchée. Là, elle a un peu de caramel sur le bord de la bouche. Oui. Oh, okay. Le gars, moi, il le regarde. Oh, excuse. Son chum le regarde, puis il fait « Ah, oh, attends, je vais te l'enlever. » Puis là, c'est le premier baiser. Oh. Ah, moi, ça serait plus du genre, ça m'a après 5 ans, c'est comme, hey, t'as du caramel, là, tu te liches le pouce. En tout cas. Ouais, non, c'est comme un caramel caramel extra de luxe, genre. Mm. C'est parfait, comme. Comme alors, ça, mais mon stamp, la crème de la crème, irait à ces chocolats-là. Je suis vendue, hein, mais ils sont vraiment bons. Vous, oh, qu'est-ce que vous en pensez? Genre, le meilleur du meilleur. Oh, ben, oui. Moi, je trouvais qu'il y avait un petit goût de menthe, mais finalement, je pense que c'est la pâte à dents. Je viens de me brasser. Ouais, sûrement, parce que ça goûte pas la menthe du tout. Puis en plus, c'est fait artisanalement, puis c'est de Trois-Rivières. Je trouve que c'est vraiment la crème de la crème. Ah, oh, moi, c'est vraiment... Le Grand Marnier. Le Grand Marnier. Ouais, moi aussi, j'irais avec celui-là. Ah, oh, ouais. L'alcool. Mais j'ai hésité quelques instants, mais j'ai de la misère. Tu prêches pour ta paroisse, ma chère? OK, d'abord. C'est les deux ex-écho. OK. OK, fait qu'on en. La prochaine fois, ben, à la Saint-Valentin, on s'en va acheter un de chaque, puis on les met en même temps dans notre bouche. Ben oui, puis en plus, c'est sur la même rue. C'est vrai, ben ça? Oui. Ouais. C'est à côté. C'est comme. Fait que ça compte dans notre marche. On s'en va vers le vieux port pour prendre notre marche, oui. Digérer notre souper. Puis on arrête avec la charmante vendeuse. Oh. Et voilà. Donc, le 14, on est tous supposés aller te voir. Je le souhaite bien. Alors, merci tout le monde. Puis, je vous souhaite un beau deux semaines. Et on se rejoint dans deux semaines pour une autre chronique La Crème de la Crème. Merci à toi. Merci. Chocolat. C'est mieux du chocolat que de la bière, hein? Ah, c'est... Ben, à cette heure-là, je te dirais que le chocolat rentre mieux. Oui, effectivement. Donc, la semaine prochaine, dans deux semaines, pardon, un mercredi à 7h30 pour La Crème de la Crème avec Alexandrine Pichessire. Merci. Merci. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. La bière de la semaine. Une présentation de La Barrique, le magasin de bière à Trois-Rivières, 4170 Boulevard des Forges. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, il y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien. La critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben, qui mangent la merde. Oh yeah! Hein? 11h43, vous êtes bien dans le dîner de con? Et c'est le moment de boire une bière présentée par La Barrique. Le moment tant attendu par l'animateur, votre humble animateur qui est là pour vous. Donc là. Ah, ben oui. Donc, ce que je vous présente, eh bien, c'est une bière qui nous vient d'une microbrasserie qui n'a pas besoin beaucoup de présentation. Eh bien oui, c'est la brasserie du Dieu du Ciel, hein, qui a deux adresses, une à Saint-Eustache, si je me trompe pas, Saint-Jérôme, pardon, à Saint-Jérôme, et l'autre, où moi j'ai été souvent, c'est directement en plein dans le grand village à Montréal, c'est la rue Laurier. Excellente place pour aller prendre une bière, par contre... faut s'assurer, c'est quand même assez petit, assez restreint. Si vous êtes deux, c'est pas pire, mais si vous êtes une gang de 4-5 pour vous trouver une table, ça va être assez difficile. Rendez-vous là-bas assez tôt. Aujourd'hui, on déguste la Moralité, qui est une IPA américaine, une collaboration. Quand je dis c'est Dieu du Ciel, oui, c'est Dieu du Ciel, mais c'est en collaboration avec l'excellente microbrasserie qui nous vient du Vermont, The Alchemist. Non, pas l'alchimiste. L'alchimiste, ça, c'est au Québec. Là, c'est une microbrasserie américaine. Donc, si je m'en vais un petit peu avec le concept, finalement, de la moralité, je vous l'envoie. C'est le concept de moralité peut donner lieu à diverses interprétations, et surtout au Québec, hein, il y a un lien historique avec l'alcool. Chose certaine, nous utilisons une quantité immorale de houblon. Vous avez compris, immoral de houblon. Donc, on va avoir une amertume claire et nette, hein, qui nous vient d'un savant mélange de Simcoe, de Citra et de Centennial. Ça, c'est les houblons utilisés. Il en se résulte en bouche une finale sèche, aromatique et légèrement résineuse, évoquant les fruits tropicaux et laissant apparaître une amertume tranchante. très tranchante, semble-t-il. La moralité est née d'une collaboration avec John Kimmich de la brasserie Alchemist du Vermont et bien sûr du Dieu du Ciel. Son overall est à 99, les amis, sur ratebeer.com. On peut pas avoir bien ben plus que 99, hein? Et le style, selon le style, donc une India Pale Ale américaine, eh bien selon le style, 99. Donc, si je la trouve pas bonne, c'est parce que j'aime pas le genre. Parce que sinon, on pourrait presque dire que c'est déjà une réussite, cette bière. Alors, ça donne rien de la boire. Bye, on s'en va. Non. On va commencer par se l'ouvrir, cette bière. On va baisser la trame. Hein? Il faut qu'on ait nos habitudes, faut qu'on les garde. On se fait même copier, on se fait même parodier. Alors, ça doit être parce qu'on sait ce qu'on fait. On baisse la trame, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, joyeusement, on va l'écouter chanter, cette bière. Elle a sifflé, on l'a entendu. Elle a sifflé. Oh, mes amis, que ça sent bon. Ça sent vraiment les agrumes. Ça sent le soleil. Ça nous donne vraiment un petit avant-goût de l'été. Et puis, c'est cool parce que je vous ai trouvé une pièce parfaite pour ça, pour finir la chronique dans quelques minutes tantôt. Mais d'abord, bien sûr, hein, le moment tant attendu, on va se la couler, cette bière, et on va y goûter. Et non, c'est pas un sound FX, c'est le vrai son que vous entendez. Et puis j'étais loin du micro, hein, parce qu'on veut pas quand même maganer nos équipements. Bon, si on y va avec un premier coup d'œil, premièrement, on va s'envoyer ça ici. Au premier coup d'œil, eh bien, c'est une bière blonde qui est sur lit. Donc, une bière blonde dorée. Au look, je parle. Je parle juste d'une bière. Enfin, c'est pas une bière blonde, là, mais au look, elle est blonde, dorée, un peu tirant sur le orangé, plutôt. Voilée, mais pas complètement. Il y en a des fois qui sont complètement voilées. Elle laisse quand même passer la lumière. Un col sympathique. Pas d'une effervescente extraordinaire, mais quand même qui est vraiment là. Et là, à lire la description, on s'attend déjà à se faire un peu revirer la bouche de bord parce qu'on s'attend à une quantité immorale de houblon, mais ce qui va lui donner une fraîcheur certaine. Donc, je me tais et j'y goûte. Ah, au nez, c'est extraordinaire. Au nez, là, c'est comme un voyage dans le sud. Je vous le dis, c'est très, très intéressant. Fruité. Vraiment, vraiment le fun. Je n'ai pas encore goûté, je me fais plaisir. Là. Je la sens. Si vous m'entendez saper ou faire des bruits de bouche, c'est voulu. C'est la façon de déguster une bière ou même un vin ou n'importe quoi. Il faut la faire rouler comme ça. Et c'est comme ça, c'est peut-être désagréable, mais c'est comme ça que vous allez faire sortir toutes les effluves, toutes les saveurs. Donc, au goût, malgré une amertume extraordinaire, facile à boire, une bière qui figure à combien de pourcents d'alcool? 6,9% d'alcool. Elle vous est offerte dans un format de 341 millilitres. Et puis, les ingrédients sont l'orge, malté, bien sûr, ben, l'eau, l'orge malté, le blé, le houblon et les levures. Donc, si on parle saveur, si on parle goût, eh bien, une amertume qui est certaine, même après avoir pris ma gorgée, l'amertume tient toujours. Je vous le dis, c'est quand même quelque chose. Moi, je suis pas à date. De base, je suis pas le plus grand des amateurs de IPA et de tout ce qui est amertume dans la bière, mais depuis cette année, on n'a comme pas le choix. C'est la vedette, c'est les bières amères. On dirait que les gens ont décidé de... C'était ça. Quand les premières microbrasseries ont commencé à sortir des choses, on voulait faire des bières faciles, des bières très alcoolisées, très caractéristiques, avec des saveurs sucrées, des saveurs de torréfaction, tout ça. Là, on est rendu vraiment depuis 2-3 ans, je vous dirais. C'est vraiment la course au houblon, la course à l'amertume. Son indice IBU est-elle donné sur cette bière? Non. Mais en tout cas, ce qu'on va faire, justement, tant qu'à jaser comme ça pour rien, eh bien, je vais aller vous lire quelques petites descriptions qu'on nous offre sur le site ratebeer.com en rapport avec cette belle bière, un bon produit Et puis, je suis pas du tout surpris d'être content du résultat, malgré le fait que c'est quand même, comme j'ai dit tantôt, c'est pas mon type préféré en tant que tel, les IPA. Mais je vous le dis, c'est d'une fraîcheur vraiment particulière. Mais tu sais, ça fait quelques IPA qu'on boit depuis les dernières semaines, donc on est quand même en terrain bien, bien connu. Je vais partir ici avec Bretteux. Bretteux en a décrit des bières sur ratebeer.com. Quand même 147, ce qui n'est pas beaucoup pour ratebeer.com, mais quand même, on va aller voir ce qu'il en dit. J'aime ça aller chercher d'autres personnes là, autres que Siffle Bière ou Bière Luc ou les autres. Là. Donc, il nous dit un petit col blanc avec quelques bulles et une mousse qui s'accroche aux parois de mon verre. Sa couleur est plutôt orangée et translucide, avec des particules de levure et de houblon qui dansent langoureusement dans mon verre. C'est exactement la bonne description. Je trouvais qu'il y avait des petits motons. Tantôt, j'ai dit sur levure, là. On voit la levure qui est encore là. Donc, c'est une bière qui va bien vieillir aussi en bouteille. Ça, c'est sûr. Mettons qu'on se cache un petit six-pack quelque temps. Là. Je pense pas qu'il y ait de problème pour la laisser vieillir et même prendre un peu plus d'alcool encore. Sa couleur est plutôt orangée. Au nez, les agrumes fraîchement pressés et des fleurs comestibles. Tout à fait. Tantôt, je disais fruité, floral. C'est vraiment ça. Au goût, c'est tout simplement exquis. Agrumes, frais, avec une bonne amertume qui se pointe et s'estompe graduellement pour laisser place au malt, tout en douceur. Quelle découverte pour ma part. Cette IPA américaine en bouteille au Québec sera dure à battre. C'est ce qu'il nous dit. Moi, personnellement, je trouve pas que l'amertume s'estompe rapidement. Il dit graduellement. Peut-être oui, graduellement, mais vraiment pas rapidement, parce que après avoir pris une gorgée, on a le goût quand même qui nous reste assez amer, mais par contre, qui se transforme en goût de levure, en goût de pain, en goût de céréales, qui est ça vraiment plus facile là, sur la langue. Ça, c'est bien entendu. Ici, il y en a un qui fait une petite description très rapide. Il en a fait 62. Il faut quand même leur donner un peu de place dans les ondes. Donc, au goût, il dit « C'est exquis, agrumé, frais, avec une bonne amertume qui se pointe et s'estompe graduellement pour laisser place au malt tout en douceur. » OK, mais il dit exactement la même chose. En tout cas, il dit... Et comment il dit ça? Il dit « Quelle découverte merveilleuse! Ça frise les DIPA dans mon top 5 des IPA au Québec. » Bon, ben bravo! On a Pumpkin Head qui nous dit une bière jaune soleil orangée. On pourrait dire ça, mais plus orangée que le soleil. Tu sais, d'habitude, le soleil, c'est, il me semble, on le voit plus jaune et blanc, là, tu sais, qui éclaire. Là, on pourrait dire un soleil de début, là, tu sais, un soleil à l'aube quand le soleil se lève. Oui, tout à fait. Une effervescence moyenne et surmontée d'un large col blanc mousseux et rocailleux. Pas du tout, moi je trouve. Effervescence moyenne, oui, tout à fait. Large col, blanc mousseux et rocailleux, pas du tout. Un fin col. Là aussi, il y a toujours à remarquer, est-ce que cette personne a bu la même bouteille que moi ou il s'est rendu directement au Dieu du ciel et il l'a pris en fût? Mais là, c'est la question à se poser. C'est pour ça qu'il peut y avoir quand même des différences dans les descriptions et ce que moi j'en dis et ce que j'en pense. Il dit que le col se réduit tranquillement en laissant une riche dentelle sur les parois du verre. Ça, par contre, on pourrait dire qu'il y a une bonne dentelle qui y reste. Arôme de doux houblon, surtout fruité. Oui, vraiment fruité, moi, c'est ce que j'ai senti. Agrumes, ananas, mangue, cantalou et pêche, mais également bien floral et parfumé. Moi, c'est aussi le parfum floral. C'est vraiment très, très floral et très fruité. Une pointe de conifère. Moi, je ne le sens pas tant que ça. Il dit, il croit déceler un beau bouquet d'herbes aromatiques de style eucalyptus, coriandre et menthe. Là, il faut que j'y goûte parce qu'il y a trop de descriptions là-dedans. Coriandre, eucalyptus et menthe. Menthe, pardon. On se l'envoie. Moi, je sens pas ça. Peut-être un peu de coriandre, peut-être la graine de coriandre, oui. Le nez est très agréable et très intense. Ça, c'est tout à fait vrai. Il affiche une richesse houblonnée. En bouche, le pétillement sur la langue est plutôt faible et l'onctuosité au palais est moyenne. Au goût, j'avoue que ça me déçoit un petit peu. On retrouve le houblon bien fruité aux accents floraux et légèrement résineux, mais on est loin de la richesse et de l'intensité que le liquide affichait au nez. Je suis d'accord, par contre, là-dessus, que au nez, elle est, mettons, moi, j'y donnerais 110 sur 100 au nez, Puis peut-être qu'au goût, j'y donnerais plus un 90 sur 100, tu sais. Au nez, je vous le dis, elle est vraiment extraordinaire, cette bière-là. Donc, aussi, le malt est totalement absent dans cette bière, ce qui crée, selon moi, un évident déséquilibre des saveurs. L'amertume est de moyenne à élevée et la finale est astringente. Il s'agit d'une bien bonne bière, mais sans plus. OK, lui, il a moins été vendu que les autres, mais quand même, il y a un overall sur cette bière à 99. Fait qu'on, je pense qu'on se trompe pas quand même avec cette bière. Moi, j'ai le goût d'aller en chercher là, nos habitués sont où, là? On va aller voir deux secondes, on va aller voir si on trouverait pas le Siffle-Bière et Bière-Luc. Est-ce qu'ils ont goûté à cette bière? Moi, je voudrais leur avis à ces hommes. Faudrait presque les inviter ici un moment donné. Tiens, on va aller avec Slovak Sniper, qu'on a déjà lu, mais que je trouve pas en ce moment le Siffle-Bière. Mais lui, en a quand même décrit 2663 bières. On pourrait s'y fier. Lui, c'est en fût à Montréal qu'il y a goûté, donc on est bien possible que ce soit pas exactement la même chose, mais c'est quand même le même produit. Il a bu en fût à Montréal une robe dorée, presque orangée et passablement embrouillée. Tout à fait, un anneau de mousse pratiquement blanc, des traces qui restent collées ici et là, un nez d'agrumes fraîchement pressé. À date, on est exactement dans ce que je ressens. Des oranges sucrées, du citron vert et des pamplemousses roses, des herbes lorsque le verre tourbillonne, une base maltée qui n'est pas faite de caramel. Plutôt des céréales pâles, peu sucrées, qui laissent la scène au houblon. Un jus de fruits ensoleillé assez juteux, des notes amères qui se bagarrent avec des notes acidulées. Ça, à date, moi je vous le dis, monsieur Slovak Sniper connaît sa bière et il connaît comment la décrire. Il dit des saveurs assez fraîches, encore une fois, un corps de moyenne densité avec des bulles bien vivantes. Moi, les bulles ont quand même disparu rapidement, je dois le dire. Une texture presque huileuse, une finale sur les agrumes, une impression de mordre dans un pamplemousse bien mûr. Peut-être pas tant que ça. Moi, vraiment, là, finale sur les agrumes. Moi, je trouve que l'entrée est plus sur les agrumes, la finale est plus sur l'amertume, dans mon cas. Il dit quoi? Un corps moyen de se dire, une texture presque huileuse. Donc, une impression de mordre, oui, ça, on l'a dit. Autre dégustation, cette fois-ci en bouteille. Ah, là, on a peut-être la même chose. Cette fois-ci, en bouteille, il dit bon nez d'agrumes et de fruits tropicaux, des aiguilles de pin ou d'épinette. Ah bon? Moi, je ne sais pas. Je sens pas tant la résine. Peut-être. C'est pas, avec la. Faut dire que quand je l'ai bu, ma bière était très, très froide. Et pour vous à la maison, si vous voulez vraiment déguster une bière, la prendre à température pièce ou une petite affaire plus froide que température pièce, mais pas de temps. C'est comme ça que vous allez découvrir vraiment les vraies saveurs, les vraies effluves qu'elle est supposée de boire et qu'elle est supposée de goûter, cette bière-là. Donc, j'avoue que en réchauffant, je peux très bien commencer à sentir la résine, le côté épinette, le côté pain ou sapin. Là. On l'a un peu, ça. On peut pas vraiment ne pas le sentir. Là. Donc, on y va avec ça. Ensuite, il dit quoi? Un goût bien amer avec du pamplemousse très acidulé, un fort caractère résineux, une bouche huileuse et des bulles actives, une finale florale avec une résine collante et intense. Oui, en réchauffant un petit peu, je dois l'avouer, c'est vrai. Et tiens, on pourrait s'en faire peut-être une ou deux autres. J'aime ça avoir les avis de mes amis ici sur raidbeer.com. J'ai pas trouvé Bière-Luc ni le Siffle-Bière. On va voir, je vais regarder une dernière page et ensuite, bon, on va s'en aller en musique, les amis. Ça sera pas plus compliqué que ça. Je pense qu'on a quand même fait le tour. Oui. Donc, tiens, on va y aller avec une dernière, et c'est nul autre que Viper 666, 2763 bières. Lui aussi sait de quoi il parle, et on en parle souvent avec le Siffle-Bière, et le Bière-Luc. C'est les gars qu'on utilise le plus souvent leurs avis. Donc, lui, il l'avait dégusté en fût sur place à Montréal, de couleur orange foncé voilé, nez fruité, agrumes. Donc, houblon herbeux, menthe fraîche. Non, moi, je sens plus la résine que la menthe fraîche, vraiment. Légèrement citrique, oui. Moyen malt sucré et des notes de miel de pin, moyennement ronde en bouche, avec un pétillement moyen et une texture moyennement huileuse. Lui, à date, tout est moyennement quelque chose. Sérieux. Il dit goût moyennement amer et houblon citrique, oui. Tout est moyennement comme ça. Accompagné d'un goût fruité, et sucré. Je trouve pas. Moi, je trouve qu'on sent le fruit. On sent le sucre au nez, là. Mais en bouche, je ne la sens pas. Je sens pas, moi, le sucre ben. Il dit note de marmalade et traces d'abricot. Mais là, quand on dit agrumes, note de marmalade, mon chum, c'est la même chose. Hein? À un moment donné, faut pas, t'es pas obligé de te répéter avec les mêmes affaires. Lors de l'entrée en bouche, auquel se rajoute un goût de malt sucré et un léger goût de pain. Oui, mais moi, c'est plus en dernier que j'ai le goût de pain. Trace de miel en finale, l'amertume reprend l'ampleur, en fait, je suis beaucoup plus herbeux. Non. Il dit que lui, il y a des notes de thé et de menthe. Moi, le thé plus que la menthe. La menthe, je trouve, ça prend tellement de place et il y a une affaire de fraîcheur dans la menthe qu'on retrouve pas dans elle. On retrouve la fraîcheur grâce à l'agrume, mais pas le goût d'une dentine, pas en tout. Post-goût long et note sèche, moyennement amère de houblon herbeux et critique avec, pardon, et citrique avec un goût fruité, donc zeste d'agrumes. Moi, je trouve que c'est ça. Si on la résume, là, ben, au nez, elle est extraordinairement fruitée et sucrée et même florale. Et quand je dis qu'on dit fruité, là, c'est vraiment. Le pamplemousse, l'orange, la mangue, le cantaloup, ça, c'est certain. Même, justement, le citron vert, là, la lime, pas de problème. Et puis, c'est pas mal ça qui fait cette bière. Une très, très, très bonne bière, bien équilibrée. Mais ce qui m'a fait rire, par exemple, c'est que dans les descriptions, je trouve qu'on est moins gentil que dans sa note. En tout cas, mais c'est sûr qu'on veut toujours en avoir plus quand on parle du Dieu du ciel, parce qu'on sait que ce sont, en tout cas moi je te dirais que c'est dans les, facilement, les 3 ou 5 meilleures microbrasseries au Québec. Donc si ça vous a intéressé, cette petite chronique de bière, eh bien c'était La Moralité, une bière IPA américaine à 6,9% d'alcool, et puis c'était bien bon tout ça. Sur ce, eh bien, vous êtes bien dans le dîner de cons. On va se laisser avec une pièce de la formation Air et pas n'importe quelle pièce. J'ai décidé de vous offrir la pièce Ce matin-là, une pièce totalement estivale. Imaginez-vous vous levez, un petit rayon de soleil qui vous réveille un peu, là, il fait, on est au mois de mai, juin, samedi matin, et puis on entend cette petite pièce qui joue. C'est tout à fait ça. Donc, réchauffez votre cœur en cette belle journée de février.

Prends-en. Oh, c'est dur de se rendre. Okay. C'est dur de se rendre. Pauvre Philippe. Oui. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. J'ai le bonheur de recevoir deux représentants de la coalition pour une eau très saine à Trois-Rivières. Vous le savez, en ce moment, ça fait encore parler, même si la décision est passée. Je voudrais vous réentendre vos noms, qui est Christian. Christian Linard. Bonjour, Christian. Oui, je suis biochimiste clinique. OK. Et puis aussi professeur titulaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ah ben c'est un plaisir de vous recevoir, justement, des gens qui savent de quoi ils parlent. Et toi, ton nom? Alors moi, c'est Jean-Marc Metz. Je suis porte-parole pour la coalition trifluvienne pour une eau très saine. C'est intéressant. Est-ce que vous êtes originaire d'ici? Non, moi je viens de Belgique, mais okay. Je suis établi à Trois-Rivières depuis quelques années maintenant. Je réside au Cap de la Madeleine avec ma petite famille, ce qui explique que ce genre de questions me préoccupe, évidemment. C'est important, mais je trouve ça le fun que des gens d'ailleurs viennent s'occuper de nous. Je suis un petit peu fâché par les gens d'ici, mais t'es rendu une personne d'ici, de toute façon. T'es un adoptif de la région, finalement. On va dire comme ça, oui. Oui, donc c'est la semaine dernière, la fameuse décision au conseil municipal. C'est 9 conseillers contre 7 qui ont fait passer une drôle de projet, un drôle de projet de loi, finalement. Parce que depuis 2008, on n'avait plus de fluoration à Trois-Rivières, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ben, c'est-à-dire qu'avant les travaux au niveau de l'usine de filtration d'eau, ils avaient stoppé la filtration de l'eau. Ils ont remis en place l'usine, maintenant qui a été inaugurée, je pense, il y a à peu près un an. OK. Dès lors que l'usine a été remise en fonction, ils ont voulu mettre en place la fluoration, la remettre en place, comme ça avait été le cas précédemment. Ils ont mis en place l'étude de préfaisabilité. Il y a eu déjà toutes sortes de mouvements, non seulement ici, mais à d'autres endroits au Québec, pour aller contre la fluoration. À ce moment-là, il y a eu une commission parlementaire qui a été mise en place. Et dans l'attente de la commission parlementaire, pour se pencher justement sur cette question, la ville de Trois-Rivières avait voté un moratoire. Donc ce qui a été voté la semaine dernière, c'est pas tant la reprise de la fluoration, c'est simplement dire ce moratoire qui mettait une pause au processus, est-ce qu'on le laisse en place ou est-ce qu'on l'enlève ? Donc en gros, ils reprennent là où ils avaient entamé les démarches... En 2008 Non, l'année dernière, ils avaient relancé le processus. Et pourquoi? Parce qu'on sait, oui, on nous dit que c'est pour la qualité des dentaires, finalement. Mais pourquoi mettre du fluor dans l'eau, finalement? Alors, premièrement, c'est qu'il faut savoir d'où vient la carie dentaire. Oui. Les articles scientifiques montrent très bien que l'origine des caries dentaires, c'est pas le manque de fluoration. C'est d'un côté le fait que les individus utilisent de plus en plus de sucre. Et d'ailleurs, plusieurs articles scientifiques montrent que la consommation de sucre, et notamment de sucre ajouté, n'a fait qu'augmenter en fonction des années. Et d'autre part, ça a été bien montré aussi, le fait qu'on utilise des boissons qui ont un pH acide et qui sont aussi sucrées. Par exemple, le jus d'orange, hein, Pepsi, Coke, etc., vont d'un côté éroder petit à petit la dent, et d'autre part vont favoriser, puisqu'il y a du sucre, la croissance bactérienne. Et ces bactéries vont libérer des acides organiques qui vont ronger la dent. Okay. Alors pour ce qui est des études scientifiques qui démontreraient qu'il y aurait un avantage sur la carie dentaire, il faut savoir que jusqu'à présent, les études qui ont été faites, c'est des études épidémiologiques. C'est-à-dire qu'on compare en quelque sorte une ville où il n'y a pas de fluoration avec une ville qui a une fluoration. Okay. Okay? Donc c'est des études d'épidémiologique. Mais en science, les études d'épidémiologique n'ont pas vraiment de valeur. Elles sont un indicateur et il faut faire d'autres études. Okay? Alors je vous donne simplement, ces études épidémiologiques sont des études qu'on appelle de corrélation. En gros, je vous donne par exemple, on peut observer une corrélation parfaite entre le nombre de cancers qu'on peut retrouver, ouais, et le nombre de cabines téléphoniques. Je parle des études qui ont été faites avant. Okay? Alors, on pourrait dire, ben, si j'enlève des cabines téléphoniques, il y aurait moins de cancers. Tout le monde sait très bien que ce n'est pas ça. Okay? Je ne parle pas du téléphone cellulaire actuel. Okay? Ouais. Je parle des anciennes études. Alors, ce qui se passe dans ces études de corrélation, c'est qu'on s'aperçoit que, en fait, plus on met de cabines téléphoniques, c'est parce qu'il y a plus de monde dans la ville. Okay. Une ville où il n'y a pas beaucoup de monde, on ne met pas beaucoup de cabines téléphoniques. Et donc, plus il y a des individus, plus il y a aussi de cancers. Okay? Donc, en fait, le nombre de cancers va augmenter en fonction du nombre d'individus. Et le nombre de cabines téléphoniques va augmenter en fonction du nombre d'individus. Donc là, ce qui est important de bien comprendre, c'est que ces études épidémiologiques, hein, en fait, c'est pour ça qu'il y a des discussions. Il y a des études qui montrent que la caille dentaire peut diminuer par la fioration et d'autres qui disent qu'il n'y a pas d'impact. Okay. Okay. Alors, si on regarde, si on veut faire des bonnes études, il y a deux grands types d'études qu'on peut faire. D'un côté, les études à double aveugle, randomisées contre placebo. Okay, c'est les classiques. Quand on fait ces genres d'études, lorsqu'on donne, on va mettre sur le marché un médicament. Alors, on fait ce genre d'études. L'autre chose, par contre, ce n'est pas toujours faisable. Par exemple, je donne un exemple. On pourrait dire, voilà, je prends deux populations. L'une, je lui donne la cigarette contre... d'un côté la vraie cigarette, oui. Ce serait une cigarette placebo. Okay? C'est déjà difficile vide, à faire. Ouais. Okay? Mais il y a des questions aussi d'éthique. Donc c'est pas faisable, c'est pas possible de le faire. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On fait des études moléculaires, c'est-à-dire que on regarde chez un individu qui fume, par exemple, par rapport à un individu qui ne fume pas, voir les changements moléculaires qui ont lieu dans le corps de l'individu. Okay? Donc ça, on peut le faire. Okay. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est regarder, par exemple, au niveau de la carie dentaire, il y a des études qui ont montré, effectivement, quand on ajoute du fluor de façon topique sur la dent, eh bien, on va... Topique, c'est directement sur la dent? Directement, sur la dent. Donc, c'est par exemple la pâte de dent, les rince-bouche. Chez le dentiste, quand on met les traitements en fluor, c'est etc. Ça, c'est topique. Okay. Ça va pas par la circulation systémique et ça ne revient pas par l'intérieur de la dent. Je parle pas... C'est dessus direct. Ça agit toujours... sur la dent, de façon topique. Alors là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des cristaux. Hein, ces cristaux, on les appelle l'hydroxyapatite. Okay, on en trouve aussi dans les os, on en trouve sur la dentine. Dans tout, ouais. Okay, sur la dent. Et donc, quand j'ajoute du fluor à l'hydroxyapatite, je fais un autre cristal qu'on appelle le fluoroapatite. Et le fluoroapatite a une dimension et une structure tout à fait différentes. Okay, alors on s'aperçoit effectivement qu'on va faire un film... de fluoroapatite, qui est très mince, okay, qui est un millième de même encore plus petit, que le diamètre d'un cheveu. Okay. Donc c'est extrêmement très petit, à tel point que si je remange, je vais le détruire. Okay. C'est vrai que ce film est acido-résistant. Okay, c'est-à-dire qu'il résiste protège mieux. Un peu contre l'acide. Oui, il protège mieux que l'hydroxyapatite. On le sait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès que je remange, je le détruis. Okay. Il ne reste pas là. Alors, d'autre part, on s'est posé la question, pourquoi utiliser le fluor? Okay. Si on regarde de façon moléculaire, si vous avez d'un côté, par exemple, l'hydroxyapatite, qui est un autre cristal, imaginez des mini-Lego, par exemple, et d'autre part, on a des macro-Lego, qui seraient le fluoroapatite. Okay. En fait, dans la réalité, c'est l'hydroxyapatite qui est un peu plus gros que le fluoroapatite, mais peu importe. Et que vous essayez, par exemple, de demander à un enfant, voilà, je te donne un mélange de petits Lego et de gros Lego, et tu me fais, par exemple, un pont. Alors l'enfant, la première chose qu'il va dire, je ne peux pas associer les mini-Lego avec les macro-Lego, ça ne marchera pas. Okay? Et donc, on sait très bien que quand on associe les deux, la structure de la carie, enfin de la dent, hein, ou de l'os, va affaiblir. Et la preuve, c'est qu'il existe la fluorose dentaire, donc c'est qu'on a donné, l'individu a reçu trop de fluor, et qu'est-ce que c'est que la fluorose dentaire? C'est une dent qui s'effrite, qui est fragile, qui devient comme du sable. On fort dedans, et puis ça s'effrite. Donc ça fait l'effet contraire. C'est ça. Au niveau des os, il y a des très belles études qui ont montré qu'à un certain moment, on pensait que quand on donnait du fluor, on fortifiait les os. Hein, donc, comme pour la dent, on l'a donné une structure plus solide. Mm-hmm. Et donc, ce qu'on a fait, on a donné à des femmes post-ménopausées, on a donné du fluor. Okay? Et alors, qu'est-ce qu'on a observé? C'est qu'en fait, et là, on a une observation directe, c'est que le nombre de fractures dans le groupe, parce que ça a été fait à double aveugle avec placebo, dans le groupe où on avait donné du fluor, il y a eu plus de fractures. Donc, fragilité des os. C'est ça. Donc, on a fragilisé les os. Okay. Alors, dire qu'on va faire des dents plus solides, c'est faux. Parce que d'un côté, on ne s'attaque pas à la dent, okay, parce qu'il n'y a aucune étude qui a été correctement faite, valable, qui montre de façon moléculaire qu'effectivement, on va protéger toutes les dents de tout le monde. Okay. Donc, ça n'a pas été fait. Okay. Okay. Mais on connaît l'étude qui montre qu'on fait du fluorapatite et qu'on a un film qui est plus résistant à l'acide. Ça, oui. Okay. Mais à savoir, est-ce que quand on donne donc à double aveugle, on prend deux groupes d'individus de même âge, de même sexe, parce que c'est toujours comme ça, normalement la même alimentation, parce que ouais. Ça, on doit contrôler. Ça aussi, ça rapporte. Ouais. Et donc, d'un à double aveugle, c'est-à-dire que l'individu qui reçoit le fluor ne sait pas qu'il reçoit le fluor, et celui qui ne reçoit pas le fluor ne sait pas qu'il reçoit le fluor, et la personne qui lui administre le fluor ou le placebo ne sait pas non plus. Okay. Ça, ces études n'ont jamais été faites. Et on n'a jamais vu l'impact sur la carie dentaire. Donc, de ce côté-là, il y a un problème. Okay? Mais sinon, la question, qu'est-ce que la ville de Trois-Rivières gagne à fluorer l'eau? Ça, c'est une bonne question. Moi, c'est là la question. Qu'est-ce qui gagne... Si c'est un produit qu'on ajoute à l'eau, c'est supposé coûter plus cher si on ajoute quelque chose qu'un eau qui serait pure, me semble. Ben, c'est un petit peu... La question, c'est premièrement, que gagne la ville? Deuxièmement, quel est l'intérêt de demander à une ville de prendre la décision de dire « je fluore ou pas ma population ». En gros, si on regarde d'une manière très simple, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'ont-ils fait, plutôt? Ouais. C'est on se place quelque part à la place d'un médecin. Ou à la place du papa qui décide, c'est très paternaliste, dire on va s'occuper de la bouche de vos enfants, c'est bizarre ça. Oui, le problème c'est que c'est fait effectivement sans fondement. Okay. Et puis deuxièmement, c'est un traitement médical de masse. L'égalité déjà en soi d'administrer un traitement sans consentement, c'est déjà, éthiquement parlant, c'est déjà très incorrect. Moi-même, si on arrivait à me convaincre d'une quelconque façon que c'est efficace, je trouverais ça pas correct de le faire parce qu'il n'y a pas la notion de libre consentement. Prenez, on va faire simple, on prend une pâte à dents, oui. Une pâte à dents avec du fluor. Mm-hmm. Faut bien lire la mention qui est dessus parce que les grands fabricants type Procter & Gamble, ils n'ont pas envie d'avoir de grosses class action qui va leur tomber dessus. Ouais, ouais. Donc il y a bien toutes les précautions qui sont mises de 1. Ne pas avaler. C'est la première chose. Oui, il est écrit, ils disent de ne pas avaler, tu te le mets dans la bouche. Ne pas avaler et de respecter une posologie, de ne pas dépasser la taille. La grosseur d'un poids. Voilà. Et parents, vérifiez que votre enfant crache. Pourquoi écrivent-ils ça? Si c'était bon pour la santé, on dirait allez-y. Ah oui. Me semble. Prenez le tube de dentifrice entier. Prenez le rince-bouche en entier, avalez-le, ne crachez pas. Et moi, je ne veux pas donner mon exemple, mais personnellement, moi, je suis un gars qui était... pas allergique, mais j'ai des réactions, puis j'avais toujours des mal de cœur quand chez le dentiste, j'étais jeune, j'avais le truc en styromousse dans la bouche, tout ça, et puis ça me faisait littéralement avoir mal au cœur, des nausées, tout ça. Ils pensent à quoi? T'sais, oui, c'est à des plus grandes doses, là. C'est sûr que c'est des doses plus infimes qu'on veut proposer dans l'eau, mais justement, encore là, comme je voyais sur Internet, les gens disaient, oui, mais c'est infime, puis ça fait rien, pourquoi qu'on en met? Oui, alors il y a toujours une façon de le dire. Donc, ce qu'on dit en général, c'est que ceux qui sont pour la fluoration disent il y a bien du fluor dans le thé, il y en a bien dans le vin. Mm-hmm. Okay? C'est vrai. Mais la chose qui est importante, c'est que pas tous les vins, et c'est pas tous les thés qui en ont. Okay? Et je pourrais dire la même chose pour l'arsenic. Il y a, par exemple, dans le riz, il y a de l'arsenic. Mm-hmm. Mais il y a des riz où il n'y a pas d'arsenic. Okay? Donc c'est en fonction du terroir, du lieu où le thé ou le vin ou le riz a poussé, qu'il y a, par exemple, de l'arsenic ou du fluor. Alors, à partir de là, imaginez, eux, ce qu'ils disent, comme il y en a bien de temps en temps dans le thé et dans le vin, ben, nous, ce qu'on fait, on remonte. Ben, alors, tant qu'ils y sont, ce qu'ils peuvent faire, c'est exactement la même chose. Ils pourraient dire, ben, il n'y en a pas dans tous les riz, on va remettre de l'arsenic un peu partout, dans tous les autres riz. C'est complètement ridicule. OK ? Alors, il n'y a pas que cette question-là. Il y a, imaginez, quand on donne un médicament. Normalement, le médicament, c'est une prescription. Mmh. Elle est faite par une personne qui a l'autorité, de par la loi, de le faire. Okay? Et donc, en général, un médecin prescrit des médicaments ou prescrit des ordonnances. Okay? Alors là, ce qui est intéressant, c'est que les dentistes aussi peuvent prescrire des antibiotiques à l'individu. Okay? Et c'est ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne prescrivent pas, même à l'individu qui a des caries, la pâte à dents gratuite. avec du fluor. Mm-hmm. J'ai jamais vu un dentiste qui dit, voilà, je te fais une prescription, et t'as la pâte. Moi, je demande pas mieux qu'il fasse ça. Ou des capsules de fluor, même. Ou des capsules, ou n'importe quoi. OK? Mais une prescription. Mm-hmm. OK? Et en plus de ça, que ce soit remboursé par la RAMQ. J'ai jamais vu ça. C'est parce que l'idéal, c'est ce qu'ils disent, mais c'est ça. OK? Mais en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on demande à la à des conseillers municipaux de prendre la place du corps professionnel et de dire bah oui, je vais le faire. Ok, c'est complètement ridicule. C'est conseiller municipal. Tout le monde peut être conseiller municipal. Là, t'as pas besoin d'avoir un diplôme quelconque pour être conseiller municipal. C'est comme si on dirait voilà, je fais un pont sur par exemple Saint-Laurent et je pose la question à la population, est-ce qu'il faut des poutres en H ou en X? Okay? Et puis on me le demande là-dessus. À moi, justement. On va voter là-dessus. Ouais. Okay? Non, c'est ça. C'est complètement ridicule. Okay? Donc déjà, de ce côté-là, il y a un vice de procédure. Okay? Qui est important. Et puis les provenances de ce fluor, est-ce que vous le savez? Alors, mettons qu'on ajoute, et puis ça représente quoi les quantités, quand on dit que c'est des quantités minimes, etc., à l'usine de filtration là. Alors, d'abord, la première question, c'est quel genre de fluor qu'on va ajouter? Alors, ce sont en général, c'est des sels de fluor. OK. Okay. Et il y a du fluor, par exemple, qu'on trouve dans la pâte à dents, c'est du fluor de sodium. OK. Et ce fluor de sodium est accrédité. Il est USP, c'est-à-dire qu'il est... on a vérifié qu'il n'a pas de contaminant, que c'est uniquement cela. Les alors provenances, que, tout ça. Là. C'est ça. Tout ça est accrédité. Par contre, et d'ailleurs, les compagnies qui fabriquent ça, ils font très attention. Ils font attention à la concentration qu'ils mettent et à l'origine du produit. Alors que les différents sels de fluor qu'on propose d'ajouter dans l'eau, ce sont des sels industriels, des sels de fluor, de fluorure industriels. OK? Et donc là, d'un côté, ils ne sont pas approuvés par Santé Canada, d'un côté, ils sont approuvés par rien du tout, c'est des sels industriels. Mais ils sont approuvés par, c'est la compagnie qui l'envoie finalement, qui dit c'est ça. Ça peut venir de n'importe où, OK? Ouais. Donc de ce côté-là, il y a encore un vice de procédure. Total, et en plus de ça, non seulement ces différents sels, mais ils peuvent être contaminés par autre chose, OK? Et la contamination, il faut faire très attention, parce que bon, je pourrais avoir du plomb là-dedans, je pourrais avoir d'autres produits associés à ce fluor. Hein. Alors que ces produits associés au fluor, on ne l'a pas, par exemple, quand on met du NAF dans la pâte à dents, puisque tout ça est bien contrôlé, il n'y a pas de contaminant, c'est pur à 99,9%. Et puis, ils disent encore de ne pas l'avaler, là, mais il est pur, celui-là. Là. Ça. On pourrait s'interroger aussi, est-ce que le fluor est dangereux ou pas? Mm-hmm. Okay? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Hein? On peut en parler aussi. Ben oui, je me la pose, alors, la question. Je vais donner trois exemples. Hein? Je viens d'en donner un, par exemple, sur l'os. Quand on a donné du fluor à des femmes post-ménopausées, on a vu qu'on fragilisait les os et donc il y avait plus de fractures. L'autre chose qu'on connaît depuis très longtemps et qu'on utilise, par exemple, on peut mesurer les concentrations de fluor de sucre dans le liquide céphalorachidien. Okay. Okay? Un peu comme on mesure la glycémie, donc le sucre dans le sang. Mm-hmm. Okay? Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi on le fait, c'est pour voir si, par exemple, il y a des cellules tumorales ou bien s'il y a des bactéries qui consomment le sucre. Okay? Et ce qu'on veut, c'est empêcher les éventuels leucocytes, les globules blancs, ou les éventuelles bactéries de consommer le sucre alors que on a prélevé le liquide séparachien et c'est dans un tube, en quelque sorte, un tube à essai. Okay. Okay? On ne veut pas qu'on commence, que les cellules qui sont présentes ou les bactéries qui sont présentes consomment le sucre avant qu'on le mesure. Okay. Donc, il faut les tuer. Okay? Alors, devinez comment on les tue. On ajoute du NAF, du fluorure de sodium. Et vous stoppez une voie fondamentale qui existe dans tous les êtres vivants, c'est la glycolyse. Okay? On arrête la glycolyse, donc c'est une voie métabolique qui fournit l'énergie à tous les êtres vivants. Et cette voie est stoppée. Par le fluor. Oui. Ça, c'est une chose. Il y a... On peut faire d'autres... Donc ça, c'est connu. Hein, d'ailleurs, c'est utilisé tout le temps. On peut faire d'autres études aussi intéressantes. C'est par exemple, si on regarde... Par exemple, imaginez, je prends de l'ADN, Okay. À côté, je prends les enzymes de réparation de l'ADN. Donc, je lèse l'ADN, et ensuite de ça, je mets en contact hein, les enzymes qui réparent l'ADN. Et sans fluor, il n'y a pas de problème, il y a réparation. Si maintenant, je mets l'ADN, hein, que je lèse l'ADN, que je mets les enzymes de réparation, et que j'ajoute du fluor, là, il n'y a plus de réparation d'ADN. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation de cancer. Okay. Alors, une autre chose qu'on dit toujours, c'est que le fluor, on en trouve dans les organismes vivants. Okay. Mm-hmm. C'est vrai, dans tous les organismes vivants, on va en trouver, puisqu'il y a du fluor, soit dans le thé, dans le vin, un peu partout, ou dans l'eau, qu'on ajoute ou qu'on n'ajoute pas, on finit par en avoir. Okay. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le fluor va circuler, okay, peut circuler, il y a une partie qui va être stockée, et l'autre qui va passer dans les liquides et qui va être éliminée au fur et à mesure. Ça, c'est une chose. Mais ce que on n'a pas remarqué, ce qu'on sait aussi, c'est que le fluor n'est pas nécessaire à la vie. C'est-à-dire qu'il n'est jamais associé à un métabolite ou jamais associé à une enzyme pour que le fluor puisse participer à la vie. Okay? Par contre, on a fait des relations entre le fluor et par exemple la vitamine B12, la vitamine D, le folate, alors, ou l'iode. Hein. L'iode est nécessaire. Sans iode, il y a des maladies dégénératives qui sont très graves. Sans vitamine D, c'est la même chose. Sans folate, il y a des carences. Okay? Donc, ces carences vont provoquer des maladies. Pour le fluor, les carences n'existent pas et les maladies par défaut de fluor n'existent pas non plus. Il y en existe juste s'il y en a trop. C'est ça. OK. Puis, exemple, tantôt, on disait que jusqu'en 2008, il y a eu de la fluoration en Trois-Rivières. Moi, je viens de la région de Trois-Rivières. Donc, j'en ai bu. Tu me dis que ça peut se stocker aussi, là. Oui. Si j'irais passer des tests. C'est bioaccumulatif okay. dans certaines parties du corps. Alors, il y en a qui disent. Mais, jusqu'à présent, pendant tout un temps, on a pris du fluor, on n'a rien vu. Mm-hmm. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on consomme quelque chose qui est relativement toxique, hein, on ne voit pas l'effet tout de suite. C'est à long terme. Hein, on le voit à long terme. Okay? Donc, il n'y a pas eu d'études à long terme mm-hmm. qui ont montré que les gens étaient plus incommodés par rapport à ceux qui n'en ont jamais eu. Okay? Donc, il n'y a pas d'études là-dessus, donc on ne peut pas savoir. Okay, donc, ça, c'est important parce que les monsieur, madame, tout le monde vont dire, oui, mais j'en ai vu pendant 10 ans, 20 ans. J'ai eu ces commentaires-là sur Facebook. Okay. Ben, c'est pas grave, moi, j'en ai bu tout le temps, puis ça fait rien. C'est ça. Ben, c'est sûr, t'as 25 ans, à ce moment-là, t'as 23 ans, peut-être que t'en es 50 ou 40. Et même si c'était toxique, on sait très bien que, par exemple, les cigarettes, c'est mm-hmm. pas bon pour la santé. Mm-hmm. Il y en a toujours qui vont dire... À 90 ans, le bonhomme, il est encore... Il a 90 ans et fume comme une cheminée. D'accord. Exact, ça arrive. Il n'a rien. Okay, mais si je prends une population de 100 personnes et que j'ai fait fumer par rapport à une population de 100 personnes et qui ne fument pas, mm-hmm. on va voir qu'il y a beaucoup plus, de, par exemple, de cancer, mm-hmm. de la vessie, de plein poumons, de problèmes etc. qui arrivent. Là. C'est ça. Okay? Donc, on ne peut pas prendre une personne. Ça, ce n'est pas faire de la science. Ça. Non, vraiment pas. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire en ce moment, si, étant donné que la décision est comme passée là, au ce conseil? Là? Ce qui est assez incroyable autour de toute cette décision, c'est que si on prend un simple fonctionnement démocratique, mm-hmm. Les conseillers, si je me souviens bien, je me trompe peut-être, oh, oui. ils sont là pour représenter... La population de leur district. Mm-hmm. Le maire est là pour représenter la population de sa ville. Le Nouvelliste, dernièrement, au lendemain de la décision, a ouvert un simple message pour dire « Qu'en pensez-vous ?» Donc là, le Nouvelliste ne s'adresse pas sur son Facebook à des partisans, il s'adresse mm-hmm. à leur lectorat. Mm-hmm. La population est franchement contre. Les conseillers, d'ailleurs, qui sont prononcés contre la fluoration, ont bien dit « Moi, j'ai certainement parlé... » Enfin, il y en a un qui a dit « J'ai certainement parlé à une centaine de personnes, pas un seul m'a dit y être favorable. » Ça incluait la population lambda, des spécialistes de la santé, des gens qui travaillent dans le domaine du traitement de l'eau, justement, parce que ouais. poser la question aux gens dans les usines de filtration s'ils veulent voir le fluor entrer. Ils n'en veulent pas. Il va falloir qu'ils le manipulent, eux, sans arrêt. C'est un produit extrêmement dangereux, extrêmement toxique, extrêmement corrosif. J'ai eu l'occasion de visiter l'usine de filtration à son inauguration. Okay. J'ai croisé quelqu'un qui travaillait dans une autre usine. Il a dit « Oui, j'ai entendu qu'il y avait l'histoire de la fluoration. J'espère que cette cochonnerie rentrera jamais. » Dans une usine pareille, ce serait vraiment scandaleux parce que c'est une Rolls-Royce qui permet de faire une eau clean, de ouais. très bonne qualité et aller rentrer ce produit-là. Ça n'a pas de sens parce que non seulement c'est dangereux, et puis c'est vraiment faire l'effet inverse. On fait une eau clean et puis on vient la polluer. Ben, c'est d'une ce que certaine je comprends façon, pas, la polluer. Moi, c'est ce que je comprends pas. C'est pourquoi une usine de traitement de l'eau pour la salir ensuite là? C'est la question qu'on peut poser. Et puis en plus, il suffit de regarder maintenant la position. C'est l'OMS qui a sur son site internet un tableau très intéressant qui compare les pays depuis une cinquantaine d'années, je pense, où on voit que la carie dentaire, il y en a de moins en moins. Okay. Depuis l'après-guerre, bon, on voit qu'il y a dû y avoir une nette amélioration des soins. On a fait prendre conscience aux gens qu'il y avait qu'un minimum d'hygiène, il y avait moyen d'arranger les choses. La courbe chute partout. Fluor ou pas fluor dans l'eau. Donc, je ne sais pas si ça, ce n'est pas un recul nécessaire. Il y a des pays où il y a un peu plus de caries, d'autres un peu moins. Certains avec ou sans fluor, on ne peut pas dire clairement. Il y a une corrélation claire quand on regarde ça. Donc, je suis désolé, quand on vient nous dire le fluor, ça marche. Je pense qu'il n'y a pas besoin de parcourir beaucoup d'études là-dessus. En plus, la population, il y a le problème d'acceptabilité sociale. Puis encore un dernier point, tout bête. Prenez du fluor, rejetez-le dans l'atmosphère, vous allez polluer. Ouais. Jetez-le dans un lac, vous allez polluer. Mettez-le dans l'eau de distribution, vous traitez les gens. Faut pas oublier non plus que quel est le pourcentage de l'eau qui est consommée et lequel va se retrouver dans les nappes phréatiques. En plus, oui. Oui, parce qu'il y a, et ça c'est connu aussi, c'est que, par exemple, le fluor va... Point de vue industriel, ok. Par exemple, on peut se poser la question, dans le traitement des eaux usées, c'est des bactéries qui participent. Mais là, on va accumuler, à chaque année, on va mettre 100 tonnes de fluor sur trois rivières. 100 tonnes d'un produit le plus corrosif de l'univers, okay, en fait, de la table de Mendeleïev, d'une part. Et, on sait aussi que, donc, on n'a pas d'impact sur la faune et la flore. Il y a déjà des signes qui ont montré que, oui, il y avait un impact sur la faune et la flore. Et en plus de ça, au niveau industriel, hein, par exemple, ne fût-ce que au niveau des tours de réfrigération. Alors, si vous parlez avec un ingénieur chimiste, il va vous dire qu'effectivement, ou bien avec un chimiste, il va vous dire qu'effectivement, le fluor dans les tours de réfrigération ne fait que se concentrer, okay, à tel point que, comme il est extrêmement corrosif, il va détruire en quelque sorte, petit à petit, le métal dans ces tours de réfrigération. Donc là, on ne fait pas attention à ça. Ça n'a jamais été posé. C'est toujours la question, c'est presque comme un mythe. Okay, c'est une croyance. Okay. Je crois que, okay, en science, c'est pas de mythe, c'est pas de croyance. Okay. Ça, la croyance, c'est pour la religion. Je crois en Dieu ou pas, c'est autre chose. Mais c'est la foi. Le fluor, une question de fluor, c'est une science. Okay. Donc, ce qu'il faut, c'est examiner ça avec la science et non pas dire je crois que ça marche pas. Et puis, tantôt, je te posais la question, mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui, côté population? Comment on peut se mobiliser? Comment on peut... Parce que moi, j'ai écrit justement à mon conseiller, qui était dans le conseiller de Pointe-du-Lac. Lui, il était contre cette fluoration. Je pense qu'effectivement, c'est une première démarche saine. C'est de faire savoir, évidemment, à ses élus que la population n'est pas contente. Parce qu'on a souvent été présentés, les mouvements qui luttent contre le fluor ont souvent été présentés comme quelques énergumènes qui sont des anti-tout. La gauche, puis les échos trop logiques. Et trop, là, non, mais ça, c'est comme tu l'as dit tantôt, c'est ne serait-ce que c'est une prescription que personne demande, peu importe qu'on soit pour ou contre, là, on ne peut pas entrer des médicaments comme ça dans l'eau des gens sans leur demander. Éthiquement parlant, je pense même que certaine façon, ce n'est pas légal. Je pense qu'il y a eu une astuce pour que le fluor ne passe pas comme un médicament, mais comme une sorte de complément alimentaire. Je pense qu'il y a eu une astuce qui ressemble un petit peu à ça pour rendre l'opération légale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'arrange. Bon, c'est pas, on le dit très bien, la DSP dit que ce n'est pas un médicament, okay, mais si ce n'est pas un médicament, alors pourquoi mettre du fluor quand tu as carie dentaire? Déjà, c'est là, ça ne va pas. Alors, ce n'est pas pour purifier l'eau, parce qu'on n'utilise pas le fluor pour purifier l'eau, c'est aberrant. Okay. Donc, à chaque fois, leurs arguments, ça ne marche pas. Okay. Et même des fois, plus fort que ça, des fois, ils vont dire, par exemple, le fluor est un minéral, un micro-minéral qui est nécessaire à la vie. Okay, c'est faux, c'est complètement archi faux, là. Ils parlent d'oligo-éléments. C'est faux, c'est pas un oligo-élément. Ça ne participe pas à la vie, c'est pas nécessaire à la vie. Donc, là, je sais pas, je pense c'est encore un credo. Mais c'est vraiment, qu'est-ce qui gagne? Moi, c'est ce que la question est toujours, qu'est-ce qui gagne à vouloir mettre de... Ceux qui vont y gagner, c'est par exemple ceux qui veulent se débarrasser du fluor. Ouais, ça, c'est ce que je me dis. Je vais vous donner un exemple qui est très bien connu. et qu'on a fait ici à Trois-Rivières. Je vais vous donner pas celui de Trois-Rivières, je vais donner celui d'en France. En France, en Normandie, tout ça, il y a beaucoup de porcs. On fait l'élevage du porc en grande quantité, à tel point qu'il y a beaucoup de nitrite dans l'eau, de nitrate. Et on a essayé de purifier l'eau par différentes stations d'épuration. Et on s'est aperçu qu'on ne s'est pas enlevé tous ces produits de l'eau. Okay, où ça coûtait trop cher. Alors qu'il y a d'autres pays, en d'autres parties de la France, par exemple le nord-est, où l'eau est beaucoup plus propre et est exempte ou n'en contient pratiquement pas. Alors ce qu'ils ont fait, comme d'un côté on ne sait pas le faire pour améliorer l'eau, et que tout le monde veut améliorer l'eau, parce qu'il y a des incidences, par exemple sur les nouveau-nés, eh bien ils disent, c'est pas difficile, ça coûterait trop cher, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va amener de l'eau propre, qui vient de l'est, du nord-est de la France, et à ceux qui ont de l'eau propre, on va leur envoyer un petit peu nos déchets. Okay, de telle manière que on va égaliser. En Normandie, ça diminue, donc ils ont construit des aqueducs. Okay, ça a diminué le nombre de nitrites et nitrates. Alors par contre, dans le nord-est de la France, ça fait augmenter. Okay, donc du côté de Normandie, ils sont bien contents, la Bretagne, ils sont bien contents, mais de l'autre côté, c'est pas ça. Alors, à Trois-Rivières, il y a eu le même cas. Il y a eu le cas, ce qu'ils ont fait, parce qu'ils avaient des problèmes, je ne sais plus très bien les raisons, et ils ont construit d'ailleurs des canalisations qu'on voit sous les ponts, pour avant l'eau du cas apparemment elle était meilleure que celle de Trois-Rivières, et donc ils ont maintenant, on mélange les eaux, de telle manière que celle qui était très potable, très, très belle était ça, est moins bonne, et puis celle d'ici est meilleure. Dilution, ici. Donc, ouais, c'est ça. Donc, la dilution. En fait, ce qu'on fait, imaginez un industriel qui se retrouve avec un produit extrêmement corrosif. Et, par exemple, on pourrait penser au fluor comme à des déchets radioactifs. Ouais, ouais. Ça coûte très cher de l'évacuer. Les éliminer. Okay. Il faut les mettre dans des contenants, il faut s'assurer que ça passe dans les trains, je ne sais pas de quoi. Vous avez vu le lac mégantique. Et donc, ça lui coûte très cher. Par contre, si tout d'un coup. L'industrie s'aperçoit qu'on peut le répandre partout, on devient le premier fournisseur. Et qui plus est, le vendre. Ah oui, et en plus, on va le vendre. On peut même faire de l'argent avec nos poubelles. Ah ben oui, on gagne. Donc, il faut regarder quelles sont les industries qui utilisent du fluor et qu'ils en ont en abondance. C'est l'industrie des alumineries et l'industrie des pesticides, des herbicides. Okay. Donc c'est parfait pour eux, c'est parfait. Là, non seulement ils ne vont pas payer pour l'éliminer, mais en fait, ils vont se faire payer pour en répandre partout. OK. C'est un peu décourageant, tout ça. Il faut savoir qu'à travers le monde, c'est une pratique qui est couramment interdite. Hein. Les pays à travers le monde qui fluorent l'eau aujourd'hui, il y a même des pays qui ont purement et simplement interdit la fluoration. C'est le cas dans de très nombreux pays d'Europe. Ben moi, ça me fait penser, cette histoire-là, on regarde des vieilles publicités vintage des années 20 où on disait de se mettre de l'uranium en face, puis des produits de beauté à base d'uranium. Des médecins ont recommandé la cigarette. Oui, c'est ça. Ils recommandaient. Donc, c'est ce que je comprends pas, en tout cas. Donc là, ce qu'on peut faire, tu me disais tantôt, on peut peut-être écrire à nos conseillers. Il y a plusieurs choses à faire. Oui, il y a écrire à son conseiller, il y a faire savoir qu'on n'est pas content. Il y a effectivement la coalition trifluvienne qui est notamment présente sur Internet et sur Facebook. C'est vrai qu'il y a une explosion, d'ailleurs, depuis l'annonce du nombre de personnes qui sont fans de la page Facebook. Donc, je vous encourage à rechercher Coalition Trifluvienne pour une autre SN sur Facebook. Venez nous rejoindre. Nous, on organise également jeudi à la Société Saint-Jean-Baptiste à Trois-Rivières. Ce jeudi. Oui. Jeudi 13 à 18h30. Une réunion d'information où tout le monde est convié. Pourquoi ? Pour mettre sur la table, justement, les idées de choses que l'on pourrait faire ensemble. Il faut savoir que nous, la coalition, on continue à travailler. On a interpellé Pauline Marouet était justement de passage, parce qu'il faut savoir que dans le... Là aussi, c'est pas encore une lubie de farfelus écologistes. Dans le programme du Parti québécois aux précédentes élections, l'abolition de la fluoration de l'eau fait partie du programme. Donc ils ont jugé quelque part que c'était pas une véritable bonne idée, au point de juger... Bon, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ne l'ont-ils pas encore aboli? Oui, parce qu'il y a encore, je regardais la carte au Québec, il y a quand même plusieurs villes encore qui sont fluorées comme ça. Oui, ça pourrait être facile pour le gouvernement provincial de t'enlèves ça, puis c'est tout. Oui, le DSP, justement, dit que justement, il n'y a pas assez de fluoration, et à travers le Québec, c'est 3%. Okay. Et ils veulent augmenter ça à 50%. Ouf. Okay, donc ils veulent que ça soit répandu et puis importer le fluor de partout de la planète jusqu'ici. Donc c'est encourageant, je pense que le Québec, ça deviendra une vraie poubelle, un fluor, c'est parfait. Ben, puis c'est nous qui l'en... C'est pas juste poubelle, là, en plus de juste... On a des sites d'enfouissement qui sont assez gigantesques, mais là, ça va être nous, le site d'enfouissement. D'une certaine façon, oui. C'est, ouais. C'est très triste. Mais en tout cas, je sais pas quoi dire d'autre. Messieurs, merci beaucoup de vous être présentés. Et moi, j'aimerais ça que vous me teniez au courant, puis si vous voulez venir en parler, la porte est ouverte. Ça, c'est clair, parce que c'est quelque chose qui me touche, parce que des fois, les gens disent, ben, tu peux t'acheter de l'eau. Ouais, mais je la paye, mon eau, en plus. Tu sais, mais si on parle même argent, on paye notre eau, mais là, on va payer pour acheter un poison, finalement. Quand même, on achète de l'eau, quelqu'un va acheter de l'eau en bouteille, OK? On va pas commencer... Je pense pas que les gens vont commencer à se prendre une douche avec de l'eau en bouteille, vont pas cuire leur pâte avec c'est ce que de j'allais dire. Même quand tu fais à manger, peut-être pour boire un verre d'eau, ça va, mais l'eau, on en utilise tout le temps. Faire une soupe, faire n'importe quoi. Parce qu'il faut enlever quelques croyances. Passer son eau dans un pichet avec des filtres à Brita, carbone, etc., là. Ça ne marche pas. La faire bouillir, c'est l'inverse. Ah oui, ça le concentre. On la concentre. On évapore de l'eau. Okay. On concentre. Ouais. Donc, ça, on ne l'enlève pas aussi facilement. Ça prend des filtres genre... D'osmose inverse, par exemple. Mais là, on consomme beaucoup plus d'eau. Ou bien, c'est faire la distillation. Okay. Donc, moi, je recommande pour ceux qui sont intéressés à avoir des documents scientifiques, sur mon blog, blog ADN 109. Tu m'enverras les adresses, je vais le mettre sur le Facebook. Overblog.com. Ou bien aussi de regarder blog Christian Linard et puis tout de suite vous allez voir sur Facebook. Article. Et il y a des références scientifiques, les gens peuvent aller les voir. Donc c'est du concret. C'est du concret, oui. C'est du scientifique. C'est pas je crois. Merci beaucoup, messieurs. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et puis, ben, on va vous suivre. Comme je te dis, envoie-moi les adresses. Je vais mettre aussi les adresses si vous avez des dates pour les réunions et manifestations et tout autre chose comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, ça prend des gens comme vous qui savent de quoi ils parlent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Assemblage requis. Et maintenant, on reçoit un gars qui est habitué, qui est déjà matinal en partant parce qu'il co-anime l'émission Les Malhonnêtes les mardis à 10h. Il se met assez fou. C'est PC. Bonjour tout le monde. Ça va? Bon matin, oui, ça va très bien, merci. Oui. Merci beaucoup, vous autres. Oui, ça va bien. Ah, ouais. Vous êtes en forme? Ah, ouais. Tu nous pardonnes de te faire lever de bonne heure deux jours de suite, là. Ben oui, voyons donc. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Je vous remercie même de me recevoir. C'est vraiment gentil. Ça fait plaisir. Et la raison que t'es là, c'est parce que c'est dans les coulisses de la huître. Oui. Les coulisses de la huître! Hey, tu sais, c'est bonne cette chanson-là. C'est vrai que c'est bonne. Ça met de bonne humeur le matin. Oui. Et ça te met. Sur le piton. Sur le piton. Le piton qui active l'improvisation mixte d'une durée indéterminée qu'on appelle dans les coulisses de la huître. Oui. C'est comme ça parce que c'est un peu n'importe quoi. Oui. Hein? Quoi que ça a un ordre assez défini aussi. Oui. Quand même. On va dans un ordre. On s'en va à quelque part, mais on sait pas où. Oui, on sait pas comment. Non, c'est pas comment non plus. Donc, allons-y avec qui non plus. Ben, on sait avec qui. Avec PC Falardo. Oui. Donc, joueur de la huître. On va commencer avec la question la plus évidente. Qu'est-ce que t'es? Et puis, comment ça se fait que t'es là-dedans? Puis, ouais, dedans. Puis, ta couleur d'équipe. Puis, quel genre de couleur de sous-vêtements? Est-ce que ça va avec la couleur de l'équipe? C'est la base. Ben, écoute, je vais commencer par la dernière parce que c'est la plus facile. C'est celle qui va en dire le plus pour moi. Ben, j'essaie toujours de matcher mes sous-vêtements. Souvent, je vais pour le gris avec l'orange. Je trouve que c'est une belle couleur qui va bien. Je viens de dire ma couleur d'équipe en plus. Le gris. Oui. Je suis dans les gris, oui. C'est connu, la célèbre équipe des gris. Oui. Non, en fait, je suis dans les oranges. Ouais. Je suis dans cette équipe d'oranges qui va jouer ce soir aussi. Oh. Oui. Puis, dans le fond, dans cette équipe-là, j'ai pas tant de rôle en particulier. Là. On n'est pas vraiment drôle, mais je suis plus un joueur qui va essayer de construire et non puncher. J'ai plus de construction que de punch. T'es un gars de fondation. J'essaye, ouais. Ouais, mettre ça solide, tu sais, pour que les autres puissent s'élever. Oui, vers le ciel. Comme des échasses, finalement. Exactement. Vers l'orange soleil. Oh! L'orange mécanique, comme on appelle. Ah, aussi, ça. Ouais, c'est bon, ça. Puis c'est ça, j'ai voulu... Ça fait à peu près, depuis que je suis à l'université, que ça me tente de faire de la lutte. Mais il y a eu toujours eu des petits imprévus dans ma vie qui ont fait en sorte que je peux pas faire le camp de recrutement et tout ça. Puis cette année, je décide de le faire. Puis il faut croire que j'ai plu à la capitaine Vanessa Fortier parce que je suis pris dans son équipe. Pourtant, je suis pas bon, là. Mais je veux dire, c'est clairement juste parce que... Je sais pas. C'est juste parce que t'es bel homme. C'est ça, dis-le donc. Oui, j'osais pas le dire, là. Il attendait qu'on lui dise. Oui, je suis un homme qui est capable de faire fitter ses sous-vêtements, son couleur de chandail. Tu vois? T'imagines? Oui. T'imagines juste ça. Juste ça, c'est un exploit, je trouve. La coordination. Oui. Oui. Comme ça. Mais en même temps, le gris, c'est passe-partout. Ah, okay, oui. Mais tu sais, si on serait des noirs, je sais pas, des sous-vêtements gris, ce serait pas tant hot. Ah, c'est vrai. Trop gothique, c'est quoi? Ça fait juste dégrader. Trop dark, un peu. Trop 50 nuances de gris. Exactement. Ça m'en serait toujours à faire des impros pornographiques. Ce serait l'enfer. Ouais, vous avez jamais pensé à genre la lutte After Dark? Hein? Je vais le proposer ce soir. Oui. Un match à minuit le soir. Je vais tellement proposer ce soir. Puis on fait ça dans une piscine tout nu. Un bain de minuit. Synchronisé, oui, un bain minuit. Ah, c'est bon. Wow! De l'impro bain de minuit synchronisé dans une piscine. La formule gagne. Ça sonne quelque chose. Il manque à saveur... De coconut. De huile au coconut. Huile au coconut, parfait. Okay, ça va. Mm-hmm. Ça va? Il nous manque juste une piscine. Ouais. Ça, donc, ça se trouve. Tu veux que je continue ou... Oui, attends. Et puis, quand est-ce que tu as commencé à faire de l'improvisation? Cette année. J'ai fait avant ça deux matchs au Happening de Trois-Rivières. Est-ce que vous savez c'est quoi les Happening? C'est l'été? Oui, c'est au Zénob, dans le fond, à tous les dimanches. Il y a des équipes qui se forment sur le tas. Puis on s'en va jouer au Zénob. Puis j'avais joué avec Christian Villeneuve, Maxime Tanguay et Laurent Constantin. Puis j'avais joué deux matchs. Parce que notre équipe en a joué trois, il y en a un que je pouvais pas. Puis sinon, j'avais aucune expérience en improvisation. J'ai commencé cette année la huître, avec l'orange. C'est vraiment cool. Ça commence bien quand même. C'est une belle histoire. Oui. Mm-hmm. Ton meilleur ou pire souvenir d'impro? Ça fait pas longtemps que t'en as fait, donc ils sont encore frais dans ta mémoire, mais les pires et les meilleurs moments. Le pire, c'est que mon meilleur moment, c'était au Happening. Ah oui. C'était avec Max Tanguay. C'était probablement une des meilleures impro, je pense, que j'ai fait. C'était le thème, ça devait parler de voyage dans le temps, parce qu'on était des hommes de Cro-Magnon, puis on nous voyait dans plusieurs époques. Mais moi, je pense que Max avait commencé à évoluer, mais moi, j'étais tout le temps resté homme de Cro-Magnon. Puis à un moment donné, il fait juste me pogner à la face, puis il me regarde, puis je te jure, on est passé à 2 cm de se frencher, mais à côté. Je veux dire, c'est un beau moment d'impro. C'est mon meilleur moment. La fois où j'ai failli embrasser Max. Son rêve est passé à ça. Mais oui, ça va se réaliser cette année. On va jouer contre les Bleus, j'imagine. Là. Je suis content dans les oranges, mais j'aimerais ça jouer avec Max. Et mon pire souvenir, Max avait un feu sauvage. Oui. Non, en fait, mon pire, c'est cette année. On avait une fusillade en prolongation contre les Rouges. Puis Jean-François Latour est sorti vraiment fort, mais comme vraiment, vraiment hot, là. C'est probablement lui qui l'a gagné pour les Rouges. Puis moi, ben... Ça a pas voulu. Ça a vraiment pas voulu. Ouais. Ça a vraiment été poche, mais genre vraiment pourri. Surtout que mon idée allait tellement pas avec le thème que je me suis fait imposer, mais je l'ai gardé, puis j'aurais peut-être pas dû. C'était vraiment mauvais. C'était vraiment mauvais. Faut dire, il y en a qui font ça, des joueurs. J'imagine que c'est pas juste toi, c'est pas mal tout le monde qui, des fois, se prédéfinit des petits thèmes que peut-être qu'on pourrait aborder dans une improvisation. Puis s'il y a un thème qui peut fitter avec, on match le thème de l'improvisation qu'on a monté, si on veut, et le thème donné. Exactement, mais quand tu t'en vas en fusillade, t'as 30 secondes, puis t'imposes un thème sur le tas, t'essaies de te pogner une des passe-partout. Oui. Parce que sinon, c'est vraiment dur. Genre, de on penser. Est les quatre dans un autobus, puis tu sais, vous en parlez un petit peu à l'avance. Exactement. Puis t'es tout seul en plus. T'es tout seul. En plus, quand t'es tout seul, t'essaies de te passer un truc qui passe partout. Puis moi, je passais en dernier. Puis tous ces thèmes, ça matchait avec ce que je voulais faire, sauf le mien. Sauf lui. Sauf le mien. Le mien, ça passait juste pas. Puis ça a été vraiment. C'était poche, mais c'était le fun pareil. Mais Maxime Tanguay est arrivé et t'as sauvé la vie. Non, oui, ça. J'espère qu'il écoute l'émission. Ouais. Sache c'est quoi mon désir. Ce que tu veux. Pour toi, PC, oui. C'est quoi l'improvisation? L'improvisation, pour moi, c'est orange. Non, en fait, pour moi, c'est une manière de s'exprimer. C'est une manière, c'est aussi un art de performance. Parce qu'à mon sens, c'est pas du acting, parce qu'on n'a pas de texte prédéfini. Mais il faut quand même qu'on ait un certain côté artistique, je pense, pour être capable de faire rire, puis en même temps, construire des belles impros. Donc, en gros, c'est ça. Mm-hmm. C'est ma réponse sérieuse de la journée. Ouais, c'est bien. Il en faut au moins une fois de temps en temps. On a déjà parlé de ta meilleure et ta pire impro. La dernière question dans notre série de questions de base ressemble un petit peu à ça. Je vais essayer de la twister autrement pour que tu puisses y répondre sans me dire ce que j'ai dit tantôt. On voulait que tu racontes une histoire, une humiliation, une gaffe qui t'est arrivée, mais ça peut être genre une histoire marquante, peut-être ton moment le plus fier d'improvisation ou vraiment le moment où tu t'es le plus planté ou quelque chose comme ça, mais qui serait pas ce que tu nous as déjà raconté. Qui serait pas si je vous ai déjà dit, hey, tu m'en poses une bonne. Ton moment de fierté, mettons, si je veux y aller avec ça, mettons, pour que tu trouves quelque chose, un moment de fierté, vraiment. Mon moment de fierté? Je pense que c'est quand j'ai joué une œuvre d'art qui était des fesses, en fait. J'ai droppé les pants, puis j'ai dit, regardez-moi ça, beau body. C'est la pleine lune qu'on appelle. C'est presque ça, en fait. C'est Vincent Rainville puis Jonathan Côté qui étaient sur l'improvisoire, qui faisaient une impro. Le thème, je pense, c'était des belles fesses, quelque chose comme ça. Je pense que c'était à cause d'une impro, c'est fou en plus que ça a tombé sur des belles fesses. Donc c'est notre faute à nous deux. Je pense que oui. Je commence à être nerveux. Puis c'est ça, t'as mon Joe Côté qui faisait comme s'il flattait des fesses. Puis à un moment donné, j'ai juste fait genre un petit son, j'ai genre « Ouh! » Puis ça a vraiment lancé l'impro, puis j'étais vraiment content. Je trouve incroyable. Les deux joueurs sont bien entrés dans ce jeu-là. Puis ça a vraiment bien été. Ça a impressionné Max Tanguay. Oui, c'est ça. Ah, qui était dans la salle ce soir-là. Je le vois encore qui me regardait avec ses petits yeux. T'étais pas de dos avec tes faces? Non, j'étais face au public. Je suis vraiment souple. Il est capable de regarder l'intro puis de faire de se curver comme. J'avais la tête entre les jambes. Wow! Délicieux. Oui, c'est vraiment beau. On est rendu aux questions en rafale. Oui, mes préférées. Oui, c'est pour apprendre à mieux te connaître. Là, c'est les questions qui, selon nous, les trois questions qui représentent le public québécois. Pour te connaître, il nous faut ces trois questions-là. Après ça, on va pouvoir se dire comme ça. On te size. J'écoute. Taise, comme une paire de fesses. Oui, comme ça. Question random, virgule. Quel est ton déjeuner préféré? Je te dirais... soit de la pizza froide. Première fois que quelqu'un ose. Oui, je pense que ça va être ça. Ou un deux œufs, ou un trois œufs. Vraiment beaucoup trop de bacon pour quelqu'un qui a du cholestérol. Puis un petit peu de fruits, là. Donc, oui. La récurrence du bacon, je pense que c'est caractéristique des joueurs d'improvisation. Même sur ma pizza froide, il y aurait du bacon. Il y aurait du bacon. Ben, c'est ça l'affaire qu'on se demande, parce que les pizzas déjeuner, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves que c'est un fléau? Ou est-ce que tu crois qu'on devrait aller dans ce sens-là? Non, c'est un fléau. Je pense que ça détruit l'image même de la pizza froide le matin. Et du déjeuner. Parce que pour moi, de la pizza froide, il faut que tu l'ailles manger la veille. Tu manges pas une pizza à déjeuner la veille. Il y a à fond froide direct. Je pense pas qu'il y a à fond chaud, puis en plus, il y a à fond refroidir après. Il y a à fond directement froide. C'est un travesti. T'sais. Oui, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Puis, ce qui est plaisant aussi avec la pizza froide, c'est qu'elle se tient beaucoup mieux que quand tu la mangeais préalablement la veille. En plus, un autre avantage. Oui, c'est vraiment ça. C'est mon déjeuner préféré, c'est la pizza froide. Tu vois, aux États-Unis, là, les gens font rire d'eux quand ils mangent leur pizza avec une fourchette puis un couteau. Là. Oui. Nous, ici, au Québec, c'est comme la tradition, c'est de manger avec une fourchette et un couteau, mais la pizza déjeuner, on la mange quasiment comme des Américains. Oh, oui. C'est notre façon de vivre le rêve américain. Il faut y aller redneck avec la pizza. Redneck. Donc, trois œufs, bacon, ça, c'est ce que tu prendrais, mettons, au restaurant. Trois œufs, bacon avec des fruits. Avec des fruits. Oui, avec un raisin. Avec beaucoup de melon. Melon d'eau, melon miel. Pas de melon d'eau, jamais du melon d'eau. J'ai pas mangé du melon d'eau. Okay. Du melon miel puis du melon de la Cantanie. Oui, d'accord. Vraiment beaucoup de ça. Là, peut-être un petit peu d'orange, puis des petites fraises, puis des kiwis. Là, tu te fais aller comme la danse de là, ceux qui portent un chapeau fait de fruits. Là, moi, je fais ça comme ça. Ce matin, je sens dedans. Jongle avec des coques comme Matt. OK, deuxième question pour apprendre à mieux te connaître en tant que Québécois. Toi, es-tu Mac ou PC? Mais on sait que ton nom, c'est PC. Je suis comme une espèce de... Il est un hybride. Ouais, je suis comme bi-curieux sur les... Si on l'a compris tantôt. L'électronique. Avec Maxime Tanguay. Je suis pas bi-curieux. J'aime les femmes et Maxime Tanguay. OK. Ah, c'est ça. Mais oui, en fait, j'ai un ordi, mais un iPhone puis un iPad. Fait que... Tu vois. Je préfère vraiment l'interface d'Apple, mais c'est comme si j'étais pas capable de délaisser mon ordinateur. Est-ce que t'es gamer? J'étais. J'ai longtemps été, en fait, ça a même été un problème. Jeu vidéo préféré, maintenant? Préféré t'as rendu presque malade, mettons? Qui m'a rendu addict, c'est World of Warcraft. Voilà. Je suis pas... C'est pas mon préféré, au contraire, là, c'est un jeu que je n'aime pas du tout. Faut pas que je retombe là-dedans. C'est la haine de m'en parler. Pourquoi vous avez mentionné le mot? Mon druide. Mon druide niveau 172. Mais mon jeu préféré, c'est Diddy Kong Racing au Nintendo 64. Oh yeah! Oh yeah! Je l'ai, ce jeu-là. Ah ouais, ben je veux dire, je peux en jouer des heures et des heures. Je le recommence à chaque fois avec un personnage différent. Parce que c'est un mode aventure dedans en plus. Oui. Je serais bien raide. T'as un mode aventure 2 aussi où t'as les courses à l'envers. C'est vraiment débile. Véhicule préféré dans les trois sur Diddy Kong Racing? Moi, je suis classique, un char. Classique char. Un char, puis mon personnage préféré, c'est Diddy Kong. Cool. C'est à cause de lui, genre, que Diddy Kong, c'est mon personnage préféré de Nintendo complet. Man, faut qu'on s'en reparle. On va s'en parler. Il nous reste une dernière question random. Oui, quand tu joues à Diddy Kong, est-ce que t'es plus Coke ou Pepsi? Pepsi. Pepsi? Pepsi. C'est bleu. J'aime le bleu, Pepsi. Parfait. Ça coûte meilleur aussi, je sais pas. Là. J'ai déjà fait une dégustation à l'aveugle, je suis pas capable de différencier quel était lequel, mais c'est bleu, c'est bon. Oh! Ah bon? Je sais pas, faudrait qu'on essaie ça en nom de demander c'est un vrai, test. Hein, on pourrait essayer. Ouais. On pourrait essayer de d'influencer le. En disant, ah, c'était lui le Coke, c'était lui le Pepsi. Fait que, ah, ouais, je savais. Là, tu fais, non! C'était l'inverse. Faut juste là, pour vraiment le mêler de tout le monde. J'étais sûr que l'autre c'était le Pepsi. Ouais, ouais, finalement, t'as peut-être raison. Puis là, finalement, tu dis, mais non, c'est du Sprite. T'es-tu calme? Ouais, oui, c'est ça, toi. Ben, là, que ça marche pas partout. C'est du RC Cool. Tu mets du RC Cool là-dedans. Oui. C'est pas mauvais, par contre, du RC Cool. Non, mais c'est pas du Pepsi. Non, c'est ça. C'est pas ça. Du Coke. Donc, voilà pour les questions en rafale. Là, on saisit vraiment le personnage PC. Là. Oui. Oui, on saisit. J'ai le goût, Mathieu, ouais. de changer un peu avec la question. OK. De l'aparté. Okay. Oh, oui, OK. Fait que je te laisse dire la question. Parfait. Donc, on est rendu à l'aparté. Est-ce que tu connais un peu le principe? Oui, j'en ai fait un avec vous. Ah, génial ça. Donc, c'est une improvisation sur un sujet choisi par la personne qu'on reçoit. On donne la chance de parler directement au public et on te pose la question suivante. Mais en fait, je change un petit peu pour te dire... T'as l'occasion de parler à Maxime Tanguay. Oh mon Dieu. Donc, on y va. Maxime, je le sais que c'est peut-être pas ce que tu pensais, mais à l'impro aux Zénop, t'as vraiment lancé mon goût pour l'improvisation parce que j'avais envie de te revoir, puis j'avais envie de revoir un petit contact physique avec toi, puis je me suis dit que... Comme t'es un homme fidèle, tu viendrais jamais me voir. Fait que sur l'improvisoire, ben, j'avais la chance de peut-être des fois te toucher le bras, t'effleurer la joue. Puis c'est. Je veux que tu saches que t'es ma motivation. Et que bien profondément dans moi, ben, je le cache bien, mais je t'aime, Maxime Tanguay. Je t'aime. C'est émouvant, ça! J'ai le goût de pleurer. Oui. Moi aussi. Puis ici, Falardeau. Oui. Beau travail. Déjà. Oui. Ben déjà. Oui. Oh. Ben, tu peux nous parler un petit peu du match qui s'en vient ce soir? Exact. Un match de feu. Un match vraiment le fun qui va opposer les rouges, là, sont pas très, très bons. Contre les oranges. Hey. C'est même s'il a joué beaucoup de matchs avec nous, c'est l'intronisation chez les oranges officielle du joueur Vincent Rainville. Okay. Qui était substitut des bleus. Bien, il s'en vient avec nous en tant que joueur officiel, étant donné le départ d'une de nos joueuses. Et notre substitut qui n'était pas nécessairement prêt, selon lui, de rentrer dans la ligue. Puis, c'est ça. Fait qu'on a Vincent Rainville qui vient se joindre à nous. Ça va être un match de fou ce soir. On va tous être là. Les oranges sont boostés à bloc. Les rouges, on s'en fout. Puis c'est ça, ça va être vraiment le fun. Je vous invite à venir voir ça. Autant les auditeurs que les animateurs. Que le monde à Montréal monde qui nous écoute. Le monde à Tombouctou. Je me suis fait dire qu'on avait du monde à Tombouctou à Katmandou qui nous écoutait. Donc, ça a l'air vrai. Hein? Ça a l'air vrai. Ben, Katmandou, en fait, oui. OK. Des gens du qui étaient... Christian Guide. Ah! Qui nous écoutaient, puis que je leur ai dit que j'avais une émission, puis qui nous écoutent une fois de temps en temps. Alors, on les salue. Oui. Rappelez-nous qui est dans l'équipe des Rouges, pour ceux qui suivent les joueurs en particulier. Nous avons Philippe Grenier. Le président de la Luître. Jean-François Latour, une recrue de feu. Myriam Lortie, c'est leur demoiselle aussi, une très bonne joueuse. Et leur capitaine, Jean-René Cocotte-Boutin. Aïe, Jean-René, puis Myriam, puis tout ça, puis Philippe, puis l'autre. Mais ils affrontent. Ouais. Ils affrontent Jonathan Côté, Vincent Rainville, moi-même et notre capitaine Vanessa Fortier. Dans un match vraiment cool. Ça va vraiment être le fun. J'ai très hâte de jouer. Et puis, est-ce qu'on prend des paris à savoir qui va gagner? Okay. Qui va gagner? C'est ton score? Mon score? Oui, comment ça va finir? Comment on dit ça? Tes prédictions. Pronostic. Oui, prédictions. Prédictions de score. Écoute, j'aimerais ça dire ce que je pense pour de vrai. Que ça va être 13-2 pour les oranges. Mais, étant donné qu'on est en onde et que je vais être, politically correct, je pense que ça va être un match vraiment serré. Ça va s'en aller en prolongation. Ça va être 9-8 pour nous autres. 9-8 pour les oranges. Oh, il gagne quand même dans son production. Mais c'est bon. Il faut. C'est bon, ça. Non, ouais, on est boosté à bloc avec Vincent qui arrive en plus, ça va vraiment être fou. Oui, Vincent Réville qu'on est supposé recevoir dans les prochaines semaines ici à Assemblage Requis, donc si vous voulez le connaître plus, maintenant qu'il vient de joindre officiellement l'équipe, vous allez pouvoir lui parler. Vous allez lui parler via nous. Via nous, c'est ça. On est comme un genre de conduit d'aération. Exact. Rempli de poussière. Donc, puis c'est si pratique. Si pratique, c'est ça. Et frais, c'est, oui, comme disent les jeunes. Donc, on se retrouve au Malhonnête les mardis à 10h, ici même assez fou. Avec M. Michael Magny, oui. Bien sûr, Mike Mag, qu'on salue. Je l'appelle comme ça dorénavant. Oui, c'est parfait. Je sais pas. Mike Mag. Michael Magny. Mike Mag. Ça marche. Et puis bon déjeuner, bon. Bonne pizza. Ah oh, ouais, de la pizza froide. Bon fantasme sur Max T. Max and Doggy, ouais. Bonne journée. Bonne journée. Alors, on se quitte avec une pièce que tu nous as choisie, c'est Bedlam. Avec Harvest Moon, c'est une pièce qu'on retrouve sur une trame sonore d'un certain film là, de. Réservoir de. C'est ça. C'est si bon. Ouh. Très bon film. Les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis.